Bonjour tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme d'habitude un petit peu particulière, mais cette fois-ci c'est vraiment le cas, c'est vraiment particulier, puisque j'ai le plaisir de faire une histoire de fan de comics avec mon ami Anto Webel. La chaise, ah pardon, désolé. Tu commences trop vite les dents, c'est pas vrai. Comment ça va Anto? Ben, ça va très bien. Alors, je vais sans doute pas vous regarder tout de suite parce qu'il va falloir que je m'habitue au fait que la caméra soit là et que nous, on a un écran qui soit là. Voilà. Et que moi, je sois là. Et que lui, il est là. Voilà, exactement. Donc, il aura un œil là, d'abord, voilà. Un autre exactement, de l'autre côté. Exactement. Donc, bonjour à tous. Et voilà. Ben, je suis. Alors, ça se voit pas, hein, mais je suis très, très content d'être là. Et je lui ai dit, de toute façon, off. J'espère que le son est bon, j'espère que l'image est bonne. Ouais. On n'a pas de retour là pour l'instant, donc n'hésitez pas à confirmer. Ouais. Et... pourquoi je dis ça? C'est pas mon live. Non, mais c'est très bien, c'est très juste. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Ah. Parce que ça ne vous aura pas échappé. On est un petit peu sur un setup un petit peu particulier. Oh non, c'est un épisode de discussion, sans Landry. Bonjour Landry. Pas de pression, bien sûr. Ah ouais, si. J'aime bien, tu vois, je dis toujours les trucs. J'ai vu que Landry avait partagé en fait ce live. Ce qui, au début, tu vois, je faisais un peu le malin et tout comme ça. Et je suis une âme sensible. J'ai fait ouh. Ça m'a mis un petit coup de pression. J'ai dit d'arrêter. Hein, on ne veut pas. Mais c'est très très gentil. Oh, l'automatronique. Quand même, question hyper importante. Est-ce que j'ai à gérer le barbecue? Ah bah le seul qui ait fait défaut au barbecue, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai pas été à la hauteur de la quantité qu'ils avaient préparé à deux. Donc, avec ta chère étonne, on peut le dire, hein, qui a participé non sans mal très à peu la réalisation. Très peu. Modeste. Voilà. Et du coup, c'était délicieux. J'ai juste j'ai une bide voilà, trop resserrée. Peut-être en approche de ce live, je ne sais pas. Je ne sais pas voilà. Mais en tout cas, c'était excellent. Voilà. En termes de tier list, on est même nous hein, que le barbecue chez Oz pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir un thème en fait pour cette vidéo. Je pense qu'on a suffisamment de conneries à dire ouais, pendant à peu près 5 ans. En plus, ça peut durer longtemps. On peut faire ça. Et pourtant, il y a un thème. Ouais. Et ce thème, bah, c'est l'histoire de fans de comics. Et comme tu le sais, bah, moi, j'aime bien de temps en temps recevoir des gens que j'apprécie tout particulièrement. Donc bah, là, je ne travaille pas un grand secret. Voilà, t'es un ami. Donc, notre alliance est là, hein, bien sûr. Voilà. Parce que je faisais la blague en off. Il y a des gens qui mettent des alliances, nous, on met des intégrales. Restore de Spider-Verse. On joue un peu de saxo, bien sûr. Et non, bien sûr, le symbole de notre union sacrée, on peut dire. C'est ça. Et donc, du coup, bah, le but, c'est de recevoir à chaque fois des gens différents, avec des parcours, des horizons différents, d'évoquer avec eux eh ben, voilà, leur passion des comics et de la lecture au sens large du terme, et puis d'essayer de montrer aux gens, aux auditeurs, aux gens qui me font bah, l'amitié de nous suivre régulièrement, que finalement, on peut tous être extrêmement différents, venir de coins et d'horizons extrêmement variés, et que finalement, on a beaucoup de choses en commun, qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent les uns et les autres au sens large du terme, plutôt que des choses qui nous différencient. C'est beau, hein, mais c'est un petit peu... On peut s'arrêter là, allez, bonne soirée à tous. Oui. Grosso modo, voilà. Et donc, c'est un vrai plaisir de faire cette émission avec toi. Émission qui s'est faite en live parce qu'on a trouvé sur notre calendrier un moment où on pouvait se rencontrer en vrai, et c'est un vrai plaisir. Oui. Et puis c'était même pas pour ça à la base, hein. Puis au final tu m'as proposé, et alors moi, pas très à l'aise avec le format confession, hein, je te l'ai pas caché. Mais vu que c'est toi, bah, je te fais entièrement confiance. Et, ouais, mais ouais. C'est même pas confession, c'est une discussion entre potes. Tu peux me poser des questions. Il a redit. Ouais, mais ça va, il a pas déposé le mot discussion. Il a déposé à la SACEM. Il a déposé à la SACEM. Il y a un S entre parenthèses à la fin, c'est déposé. Mais je te fais entièrement confiance et ça va sans doute mieux se passer que la fois, par exemple, où Eddie m'a dit que tout allait bien se passer et qu'au final, on était en train de la mine et que j'ai passé l'un des pires moments de ma vie. Voilà. Le train de la mine? Ouais. D'accord. Bah, je suis pas au courant. Disney. Je bois un coup aussi. Ok, le train de la mine. Donc, mais Eddie, hein. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Et... je suis déjà en train de parler. Je claque juste une petite bise à tout le monde, et puis en particulier du coup à Sofiane, Chuck et Vincent qui sont là. Tout à fait. Passage. Et puis les autres aussi, bien sûr. Mais je vous cache pas que je vais avoir forcément un œil beaucoup plus attentif sur notre ami que sur le chat. Moi, c'est un déformation professionnelle. C'est ça. Donc voilà, t'inquiète pas. On commence. Let's go. Ouais, mais après, tu vois, la première question, elle est toute bête, c'est ta rencontre avec la lecture, ta rencontre peut-être même avec les comics, comment ça s'est passé dans ton enfance, en fait, là, ouais, ta rencontre avec la lecture, est-ce que tu as eu des lectures marquantes dans cette période-là? Ouais, ma première lecture marquante, chronologiquement, ça doit être Astérix, ouais. Je pense, comme beaucoup de gens, La BD au sens large, je pense que ça commence par des grands classiques et en effet Astérix en fait partie. Grand fan de Goscinny, grand fan du Uderzo, forcément Astérix ça vieillit très bien avec le temps puisque ouais. Plus tu le lis, plus tu lis à différents âges et plus tu découvres des, voilà, des sous-textes et des sens que tu n'avais pas vu quand tu étais gamin. Mais même en étant gamin, j'ai kiffé comme pas possible. Ça c'est quand même la première lecture qui m'a vraiment marqué. Je suis un gros collectionneur de cette série et je collectionnais aussi les films d'animation. Enfin, voilà, il y a eu tout un truc. J'ai eu une grosse période d'Astérix. Ensuite, il y a eu Spirou. Pas très longtemps après. Et aujourd'hui, peut-être avec le recul qui, je pense, est vraiment ma BD préférée. Je ne dis pas ça parce que Vincent est dans le chat. Mais parce que vraiment, Spirou, le tome 41 en particulier, La Vallée des Bannis, qui est un bijou de narration, un bijou de dessin et une œuvre qui m'a marqué au fer rouge parce que. Par rapport à la couverture qui est si caractéristique où tu vois Spirou tout seul sur un canoë qui s'approche vers toi, le lecteur, et ce sentiment d'aventure, ce sentiment de mystère, moi, c'est le genre de personnages qui ensuite ont été répercutés sur des Indiana Jones, sur des Boy Scouts que je défends aujourd'hui, ça vient de Spirou quand même beaucoup, et d'Astérix. Et je pense que c'est vraiment les deux BD qui m'ont créé en tant que lecteur. J'ai jamais été trop lecteur de romans au début, en tout cas dans mon enfance. C'est venu après, du coup, on en parlera après à ce moment-là. Mmh. Mais moi, c'est vraiment la BD que j'ai découvert. Et puis, BD transmise, un peu par la famille, mais pas forcément que, parce qu'ils ne sont pas des grands lecteurs non plus, mais aussi par des gens extérieurs que je connaissais de diverses situations qui m'ont donné ce goût-là. Et c'est quelque chose que je n'ai pas perdu. Voilà. Il y a un truc, tu vois, c'est pas que ça m'étonne, c'est que autant, tu vois, quand on me dit, ouais, j'ai commencé avec Astérix, je continue à aimer Astérix, c'est quelque chose qui me parle parce que, j'ai beaucoup d'Astérix et parce que j'ai été un lecteur d'Astérix pendant très longtemps. Mais par contre, comment tu pourrais expliquer à quelqu'un qui, comme moi, connaît pas forcément bien Spirou, qu'est-ce qui pourrait m'attirer dans ce personnage-là? Parce que pour moi, je vois juste un groom et ça a l'air d'être beaucoup plus que ça. C'est ça qui est fort, c'est qu'à la base, c'est un groom. Je fais juste une petite bise à Robot des Bois qui est le passage. Coucou. C'est ça qui est fort, c'est que c'est un groom aux origines, mais comme les super-héros de comics, finalement, il a connu différents âges. Et il a évolué avec le temps, et c'est peut-être l'absus révélateur, mais le personnage de bande dessinée franco-belge qui a le plus, pour moi, de lien avec les super-héros des maisons d'édition de comics. D'accord. Parce que tu as eu différents auteurs qui se sont appropriés le personnage, qui sont allés au-delà du groom, et moi, justement, l'aspect qui m'intéresse le plus, comme je disais, c'est l'aspect aventurier, qui garde son code couleur, qui garde ses attributs vestimentaires, en particulier le calot, mais qui évolue avec son temps. Tu vois, dans les années 90, c'est l'époque... que j'ai découvert moi, il avait cette veste en jean, il avait son petit pull blanc en dessous, il avait ce côté très moderne. C'est l'époque de Tom et Jean-Ry, donc les auteurs qui ont vraiment aidé à le faire connaître, à le faire accepter auprès du grand public, en lui donnant des problématiques contemporaines. Spirou qui doit gérer, par exemple, une espèce de complot lié à des affaires chimiques ou ce genre de choses. Je défends Spirou, mais je fais tout ce que je peux, et je le fais pour toi, vraiment. Et je trouve que c'est le côté amoureux aussi, parce que c'est Tom et Jean-Ry qui lui ont donné ce côté relation amoureuse, alors très légèrement avec ce qu'ils pouvaient faire, parce que depuis derrière, c'est comme Marvel et DC. Donc ils lui ont donné ce côté où c'était pas juste un personnage vide et lisse, ils lui ont donné une espèce de relationnel avec les personnages qui l'entouraient. Enfin, ils ont vraiment créé ça, et je trouve que c'est ce qui lui a donné ce côté trois dimensions. En fait. Alors après, il y a eu Franquin, évidemment, bien avant, dans les années 60, enfin 50-60, qui a été un peu le Stan Lee de Spirou, en quelque sorte, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il a posé les bases On a de ses rêves. Spirou, il faut connaître quand même. Mais il a posé les bases de l'univers. C'est-à-dire qu'il a créé des persos qui, aujourd'hui, sont absolument formidables. Il n'a pas créé le personnage, mais il lui a créé tout le lore qu'on lui a donné sa lettre de noblesse. Exactement. Zorglub, tout le côté avec Zantafio, donc le frère. C'est le frère ou c'est le franchement, je ne sais plus. Honte à moi. En tout cas, le cousin voilà, de Fantasio. Ai-je révisé? C'est pas impossible. Pas du tout. Et du coup, il a donné ce côté, le marsupilami, évidemment. Enfin voilà. Il a créé cette base-là. Et c'est ça qui est bien. Donc, pour faire aimer Spirou aux gens, je vous conseille de piocher une période presque au hasard et peut-être de prendre un album de chaque période. Je tape pas sur la table, c'est vrai qu'il faut pas que je tape sur la table, désolé. Peut-être de prendre un album de chaque période. Ça, je fais comme ça, on a l'impression que je tape sur la table, mais je tape pas sur la table. Tu peux mimer les bruits si tu veux. Voilà. Non, ça, c'est un bruit de chair. Ce sera une autre. C'est autre chose. Donc voilà, bref. Mais en tout cas, voilà, pour faire connaître Spirou, je pense que le mieux, c'est comme les comics, c'est de se plonger dedans, tu prends une BD de chaque époque, et après tu vois ce qui t'intéresse le plus. Il y a des gens, ils adorent le vintage, ils vont adorer Franquin, parce que Franquin reste très moderne quand même dans certains aspects. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont peut-être plus aimer le côté moderne de Tom et Jerry, et c'était mon cas. Donc voilà. J'ai jamais lu de Tom et Jerry, tu vois. Je suis toujours resté sur le Franquin. C'est pas ce que je préfère en plus chez Franquin. Ah, t'en as lu du coup. Ouais, deux, trois, tu vois. Et puis Vincent, il a essayé plein de fois de me forcer. Bah, il m'a donné envie. Toi aussi, tu m'as donné envie. Mais j'ai voulu recommencer. Quand même. Ouais. J'ai essayé, si tu veux, de recommencer par les débuts, par les tout premiers épisodes. Et pff, les tout premiers de 1938 ? Non, le comte de Champignac, tout ça. Ah, donc les premiers de Franquin. Un peu casse-gueule. Pour moi, ouais. C'est des longues histoires, c'est des histoires en 60 pages. Ouais, ouais. Donc, avec une grosse narration, tu vois, bien dense. Fallait s'y plonger. Puis il y a un découpage très académique, forcément aussi. Donc, ouais, je peux comprendre. T'as d'autres lectures dans ton enfance qui t'ont marqué ? Bah, en parlant de Franquin, pareil, hein, je vais encore lui lécher le contour des fesses, mais Gaston. Gaston, parce que je sais qu'il l'a acquis récemment dans une belle édition intégrale, notre ami Vincent. Émile Bravo en effet très très bien aussi, que j'ai découvert récemment pour le coup, les Spirou d'Émile Bravo, qui assume complètement le côté où ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc époque de création du personnage, Spirou est en plein milieu de l'occupation, et du coup c'est très palpable, très bien. C'est une des meilleures réécritures, je pense, du personnage depuis bien longtemps. Et du coup voilà, donc pour revenir à ça, c'était Gaston, parce que Gaston, c'est peut-être le magnum opus de Franquin. C'est vraiment la BD dans laquelle, alors il y a les idées noires, mais qui était une espèce de recueil un peu autobiographique. Mais Gaston, pour le côté vraiment critique de la société, on ne fera pas mieux, quoi. Et je sais que la série va reprendre avec un autre auteur, ce qui, normalement, on n'aurait jamais dû arriver. Mais bon, ils ont trop réussi à faire des choses comme ça. Mais en tout cas, les Gaston de Franquin, c'est partie des grosses références aussi que j'ai en termes de BD. Et pareil, que tu relis avec le temps. Et que tu lis quand t'es gamin, que tu kiffes, parce que tu vois Gaston s'en faire prendre plein la gueule par ses boss dans la rédaction du Puy. Et quand tu commences à travailler, quand tu commences à avoir ta propre expérience, là aussi tu te rends compte de ça. Ouais. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Exactement. Et c'est peut-être ça que je trouve le plus dingue, c'est que ça peut aussi bien... moi, ça faisait rire typiquement mon père quand j'étais gamin, et ça me faisait rire moi aussi. Et en même temps, y a des réflexions sur la société de l'époque qui, même encore, pour beaucoup d'entre elles, peuvent être encore complètement actuelles maintenant, sur l'écologie, la pollution, la nature, etc., etc. Moi, Gaston, c'est... Gaston. Oui, Gaston. Alors, si on commence à... ça va vite me faire chier, monsieur Webed. Ça va vite me quand c'est les couilles. Et ouais, voilà, enfin, pour moi, Gaston, c'est, mais j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est le truc, tu vois, qui est ouais, peut-être une de mes Madeleine de Proust que je relis quand même régulièrement, quoi. Et les comics, est-ce que ça arrive à l'adolescence? Ouais. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, quand j'étais gamin, moi, c'était les adaptations. Donc, moi, ce qui m'a fait aimer les super-héros, je l'ai toujours dit, c'est la série de Spider-Man des années 90, série animée. Sur T'es Fou. Parce que voilà, moi je regardais les rediffusions du coup, hein, parce que c'est quand ça repassait sur TF1, donc début des années 2000. Ça m'a fait mettre le pied dedans. Et ce qui a confirmé l'essai, transformé l'essai, c'est le film de Sam Raimi. Donc forcément, quand j'étais gamin, j'en lisais pas. Et c'est arrivé à l'adolescence, c'est le premier comics que j'ai lu. Alors, j'avais lu ce qui s'appelait les Spider-Man Magazine. Ouais. C'était en fait des parutions de Marvel UK qui étaient regroupées dans des magazines, entre guillemets, pour enfants. C'est-à-dire que c'était une maquette. Adressé aux enfants, une maquette éditoriale avec des jeux à l'intérieur. Enfin voilà. Mais il y avait déjà des histoires quand même très sérieuses. Enfin, très sérieuses. Des histoires sérieuses, c'était pas des trucs qui prenaient les gamins pour des cons. Et il y avait des très bons dessinateurs qui ensuite ont fait carrière chez les Big Two aux États-Unis. Donc, c'est des trucs qui ont fait la transition entre la BD et le comics. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, j'ai vraiment commencé les comics avec le premier truc que j'ai lu. C'était au foyer de mon collège. Entre midi et deux, j'allais souvent au foyer pour lire des bouquins. Ils avaient tout un stock et je prenais toujours le même comics parce qu'ils en avaient qu'un, mais c'était celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est l'arc tourment de McFarlane. D'accord. Donc les débuts de la série Spider-Man en 1991, son premier arc qu'il a scénarisé et dessiné. Et l'arc tourment qui est gravé ici parce que je l'ai lu et relu. C'est l'un des rares comics que j'ai lu un paquet de fois, du coup, parce qu'il y avait avec celui-là. C'est dans les vieilles éditions Betty. Je sais pas si tu as connu, c'était entre Semic et Marvel France, en fait, c'était hardcover avec jaquette. Ouais, non, ça j'avais pas. Voilà. Et ils avaient mis l'arc tourment, et du coup, c'était un arc dans lequel Peter était adulte, il était marié à Mary Jane, il y avait la confrontation entre Peter, enfin Spider-Man, et le lézard et Calypso, donc la meuf qui était avec Kraven. et cet arc absolument sombre, presque déprimant, où tu voyais Peter plus bactère par le lézard qui était contrôlé par Calypso. Ouais. Et puis McFarlane qui s'est révélé à moi pour le coup. Donc j'ai commencé avec l'un des grands noms de l'industrie. Pour le... Et c'est quoi qui t'a le plus immédiatement dans le personnage de Spider-Man? Et juste pour savoir, t'avais quel âge au moment de la sortie du film? Au moment de la sortie du film, j'avais 7 ans. Ah ouais, putain, ouais. Je l'ai vu au cinéma et c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. J'étais avec mon père qui, depuis, regrette de m'avoir rendu au cinéma parce que depuis, je lui casse les couilles avec cette passion qui est devenue débordante, mais c'est ma passion, enfin, c'est mon truc. Donc j'avais 7 ans et ouais, c'est la première fois que j'allais au cinéma en plus, je crois. En plus, donc pour ne rien enlever. Et j'en garde un souvenir. Enfin, j'avais 7 ans et pourtant, c'est comme si c'était hier. Chez Webed. On pense à vous. Chez Webed Père, voilà. Et ouais, vraiment, vraiment top. À l'époque où. Non, j'allais taquer. À l'époque où les films de super-héros étaient cool. Oh là là. Gardez-en sous la pédale. Gardez-en sous la pédale. Mais voilà, donc j'avais 7 ans. Et parce que ça, on en a. Alors, c'est bizarre parce qu'on fait les émissions sur les intégrales tous les deux. Très bonne émission, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Mais qu'est-ce qui, dans le personnage de Peter Parker, qu'est-ce qui t'a immédiatement, dès les premiers épisodes, t'a capté? Sa résilience, le fait que même quand tout est perdu, il lâche pas. C'est une caractéristique qui est intrinsèque à beaucoup de super-héros, qu'on s'entend. Mmh. Mais avec Peter Parker, c'était la première fois qu'il y avait ce côté héros en galère, quand même. Et ça prend une autre dimension quand même avec lui. Voilà. Ça, c'est devenu problématique avec le temps, parce que pour des raisons qu'on a déjà évoquées sur ta chaîne et que les gens connaissent. C'est-à-dire que le personnage n'arrive pas à vieillir à cause de, voilà, des institutions qui sont au-dessus de lui. Alors oui, Bruno Chouette, tout à fait. J'en précise parce qu'il y a un commentaire. Très très bon comédien de doublage, en passage. Et du coup, c'est une dimension qui, moi, m'a capté comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup de gens qui ont grandi avec le personnage. Alors, là-dessus, j'ai pas un parcours très original quand je dis que Spider-Man est mon super-héros préféré. Une notion que je redécouvre avec le temps. C'est-à-dire que déjà gamin, enfin adolescent, j'étais sensible aux problèmes qu'il avait, mais je suis d'autant plus aujourd'hui. Et ça, on y reviendra un petit peu après, mais notamment par rapport à ce Peter Parker que j'ai découvert, donc à l'époque, qui était déjà un Peter Parker adulte. Mmh. Déjà à l'époque, j'étais sensible à ses problèmes de galère financière, de galère dans son couple, de galère de la vie de tous les jours, on peut le dire tout simplement. Et on peut se le dire bien vrai. Quel connard! Regardez-moi ce connard! Je capte les mimiques de chacun. Et du coup, ouais, du coup, c'est ça. Et puis le fait que malgré tout, il garde sa bonne humeur, il garde un optimisme complètement qui sort de nulle part. Quoi. D'où il le sort, son optimisme. Et à la fois, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand son optimisme, il est un petit peu de façade. Ouais. Et que derrière son optimisme, c'est le meilleur. C'est son humour et tout, tu sens l'âme torturée. La fissure. C'est le meilleur moment. C'est quand il te balance un monologue, il te dit, bon, là c'est la merde, mais j'y vais, parce qu'il faut y aller. Et alors, c'est à bien. L'adolescence, quoi d'autre comme lecture à part Spider-Man? Y a beaucoup de Spider-Man quand même à l'adolescence. Hein, ouais. Parce que je ne lisais pas encore de l'indé. L'indé, c'est arrivé plus tard. Une autre lecture marquante quand même Spider-Man, parce que c'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est le logo de ma chaîne, c'est pas pour rien que... c'est un super bouquin pour moi, c'est que je l'ai poncé, le personnage, dans toutes ses époques. Je dis pas que j'ai tout lu, mais j'ai lu beaucoup de périodes du personnage, en tout cas très différentes. Donc à une époque, je me consacrais sur quelques personnages. Donc il y a eu Spider-Man, il y a eu Superior Spider-Man aussi. C'est arrivé plus vers mes 15-16 ans. C'est 2013. Oui, c'est ça, 15-16 ans. Qui devrait être par là? Oui. Si je dis pas de bêtises, là, juste ici. Oh, il est bon. Et ça, c'est une série qui m'a mis une claque dans la gueule. C'était ma première série régulière en comics. C'est pour ça que j'en parle du coup ici, parce qu'il y a eu le premier récit complet, entre guillemets, et là, il y a eu la première série régulière. Et c'est l'époque 2012-2013 où je me suis mis aux comics, officiellement. C'est-à-dire que j'en lisais de manière occasionnelle. Et 2012-2013, je suis allé dans un bureau de tabac à l'époque où il y avait des kiosques. Parce que du coup, maintenant, je suis un vieux con, moi aussi. Ça arrive plus qu'on croit. Tu verras. Voilà. Génial. Mais à l'époque, il y avait des kiosques. J'ai pris deux récits complets à l'époque où il y avait des Spider-Man classiques, qui étaient une nouvelle formule à l'époque, qui choisissaient des arcs en fonction des arcs thématiques. J'avais pris le numéro 2, c'était la naissance de Venom, et le numéro 3, c'était la naissance de Venom partie 2. Et du coup, ils avaient compilé tous les épisodes de Ron Frenz, qui était scénariste à l'époque dans les années 80, et de David Michelini, qui avait co-créé le personnage de Venom. Ils avaient fait une espèce d'anthologie, en quelque sorte, sur ces deux kiosques-là. j'avais chopé ça, j'avais kiffé. Et juste après, j'avais pris le numéro 1 de la série Marvel Now, qui sortait en kiosque, qui était du coup Superman Spider-Man. Et c'est ça qui m'a fait accrocher au côté sériel. Parce que du coup, tous les mois, comme beaucoup, finalement, j'ai appris à aller chercher mon kiosque en marchant de journaux, à faire le déplacement. Donc il y a un côté évidemment très, très Madeleine de Proust aussi, très, très sensoriel quand tu vas. C'est pas toi que je vais l'apprendre, mais quand tu vas acheter ton kiosque. Non, mais ça, je veux bien qu'on en parle. Ça, je veux bien qu'on en parle. C'est sensoriel. En fait, il faut que j'arrête de me décaler comme ça. Je vais finir par te laisser plus. Oui, tu t'en vas là en plus. Et ouais, mais c'est pour te regarder. Mais oui, mais bon, c'est pour juste. Un tout petit peu. Vers la droite. Ah, t'es plus gros que ce que je pensais. Non, de là-bas. Ah, de là-bas. Hop, comme ça. Moi, je me mets comme ça. Mais bien. Et non, mais en fait, c'est le côté. Moi, on sait que les comics, ça sort de manière en fait épisodique, c'est par issue, c'est des floppy qui sortent comme ça toutes les semaines, tous les mois. Et c'est vraiment pensé en fait cet art en fait pour être lu de cette manière-là. Et j'aimais les kiosques aussi pour ça, parce que le fait d'avoir à chaque fois un mois d'attente, eh ben ça t'obligeait en fait à faire travailler ton cerveau. Ouais. On pouvait pas en avoir autant que ce qu'on a, et donc t'étais obligé un petit peu d'imaginer la suite. Ça te donnait envie, t'y revenais dessus, tu relisais, et donc un kiosque, c'était pas simplement un petit peu comme maintenant, ce que je regrette un peu, mais bah, c'est un peu le revers de la médaille de plus t'as des moyens, plus t'en achètes et moins tu relis tes trucs. C'est-à-dire on le lit une fois. On aime bien, on le pose, et puis tu vas peut-être mettre 2, 3, 4, 5 ans avant de relire un truc, ou alors tu vas jamais le relire. Et moi, j'aimais beaucoup, beaucoup le kiosque pour ça, au-delà du format, mais que ça respecte en fait l'aspect épisodique. Est-ce que toi aussi, tu aimais bien cette attente qu'il y avait entre les parutions? Bah, complètement, puisque comme tu dis, tu imprimes en fait. Vu que tu relis le truc, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'argent. Enfin, quand tu es ado, tu n'as pas d'argent. Même après, tu relis en fait le bouquin, tu t'imprègnes en fait de ça, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que quand le numéro suivant sortait, t'étais OP, en fait, t'étais prêt à lire. Aujourd'hui, et puis même sur la fin des kiosques, sur les derniers que j'achetais, bon après le run était moins passionnant, c'est Nick Spencer, mais disons que d'un mois à l'autre, il m'arrivait de plus me souvenir de ce que j'avais lu en fait, parce que l'habitude d'en lire, comme tu dis, l'habitude d'en acheter beaucoup aussi, d'en lire beaucoup, ça court-circuitait un petit peu cette sensation-là. Bonjour à Oz, que j'embrasse, évidemment, le roi du barbuck. Mais t'as de la concurrence, fais attention. Je check tes messages, d'ailleurs. Oui. Et salut Calice aussi. Et Stéphane. T'avais fini avec l'ado? Oui. Parce que du coup, j'ai... je peux peut-être quand même caler aussi, parce que lecture Marvel et lecture DC. Ma tartasse DC. Geoff Johns présente Green Lantern. Ah ouais, mais toi, t'as commencé direct avec des trucs comme ça. Quoi. J'ai commencé direct et je vais m'aller plus loin que ça. C'est pas ça que j'ai pris, moi. Moi, j'ai pris les omnibus. Ah oui, oui. VO. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode. Je sais plus qui m'avait hypé dessus. Enfin, moi, Green Lantern a toujours eu une résonance. Enfin, je m'en avais déjà parlé en live, mais c'est un personnage qui me parle de ouf. Enfin, Jordan me parle de ouf. Parce que pour ce côté loser, ce côté. Enfin, on retrouve des caractéristiques que j'aime bien. Et j'avais lu, je sais plus quel article sur un site, peut-être DC Planet, je sais plus, les vieux articles qu'il faisait. Et je sais pas, j'avais été saucé par le run, je me suis dit, putain, il faut que je lise ça. J'ai pris les omnibus, alors, pas les trois en même temps. Hein, adolescent, j'avais une bourse universitaire, donc j'en ai profité un peu, mais pas les trois en même temps non plus. Et en fait, j'ai pris le premier, je l'ai bouffé, 1300 pages, ça m'était jamais arrivé. J'ai pris le deuxième, je l'ai bouffé, et en plus, il y avait la Blackestine dans le deuxième. Et j'ai pris le troisième, je l'ai bouffé aussi. Voilà. Et là, j'ai fait Green Lantern, et officiellement mon super-héros DC préféré. J'avais lu du Batman, parce que comme beaucoup de gens, j'ai commencé par Batman à l'époque de mon adolescence. Mais très vite, le focus a été déplacé quand même. Très vite, le focus, j'ai senti que moi, j'étais plus attiré vers le côté cosmique de chez DC, moins de chez Marvel, bizarrement, et plus que le côté Batman, que certes, j'aimais beaucoup quand j'ai commencé DC, mais... C'est quoi que t'aimes dans le côté cosmique de chez DC? Bah, je sais pas, je trouve la mythologie encore plus... Ça me parle encore plus, le côté peut-être plus ancien, c'est établi depuis beaucoup plus longtemps que Marvel. J'ai pas encore lu les grosses sagas cosmiques de Marvel, je suis en train de me procurer les épisodes d'animation, donc c'est prévu que je les lise. Mais je trouve que le côté ancienneté de chez DC, en tout cas pour le côté cosmique et pour d'autres choses aussi, il me parle plus. Et puis les Green Lantern, forcément, c'est une partie importante de cet univers-là. Et moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Le côté corps, le côté Hal Jordan, le côté Kal Rayner, j'adore. Tes messages téléphone, il me pose la question. Et bonjour à ComicsPlay, que j'embrasse aussi. Si, il va falloir le dire. Ah, enfin, tu t'es engagé, maintenant tu te démerdes. Hein. Et qu'est-ce que je voulais? Je vais pas commencer. Bah après, il reste la partie adulte, mais on va se prendre un petit temps pour d'autres petites questions avant de passer à ça. On vient d'évoquer Marvel, DC. On n'a pas encore parlé des indés. Et moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, si tu devais en garder qu'un, est-ce que tu garderais DC, Marvel, les indés? Qu'est-ce qui. Un parmi les trois? Ouais. Enfin, au-delà de pourquoi tu le garderais, qu'est-ce qui vraiment, définitivement, t'attire un petit peu plus chez telle maison? Pourquoi? Sur ton coude. Hop, il fait trembler. C'est compliqué parce que mon perso préféré, c'est un perso de chez Marvel, mais mon univers préféré, c'est l'univers DC. Donc moi, je suis tiraillé, en fait. Pourquoi c'est ton univers préféré DC? Pour la mythologie qu'il y a derrière. Pour le côté patrimonial, pour le côté où... Pour beaucoup de choses, ils ont été les premiers aussi. Pas que tout le temps, hein, mais pour beaucoup de choses quand même. Pour le côté multivers, que je trouve affreusement plus stylé chez DC que chez Marvel. Enfin, après, c'est un avis personnel. Je trouve qu'ils ont une paternité de beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Du coup, en termes d'univers et de construction de personnages sur la durée, je trouve qu'ils ont des événements plus marquants. C'est-à-dire que tu repères facilement les âges principaux de différents personnages DC. Là où Marvel, c'est peut-être plus abscons et... À moins que tu aies grandi avec, tu n'auras peut-être pas les mêmes réflexes, on va dire. Alors que le côté peut-être plus archéologue de chez DC, c'est peut-être plus facile de repérer les différentes périodes parce qu'il y a vraiment des trucs très, très marqués. Très marqués. Genre Batman, il y a eu le Golden Age, il y a eu Adam West, il y a eu Nightfall, tu vois. Superman, il y a eu le Golden Age, il y a eu les aventures SF du Silver Age et il y a eu John Byrne. Enfin, tu sens, et puis après la mort de Superman. Tu sens qu'il y a eu... Vraiment, il y a des périodes très marquées, je trouve, dans la mythologie d'ici, qui reviennent encore aujourd'hui, hein, dans les parutions actuelles. Infinite, d'ailleurs, c'est, voilà, c'est aparté, mais c'est un gros truc qui va remettre en avant les âges dont je parle là. Et là où chez Marvel, c'est peut-être plus compliqué, et on sent qu'en ce moment, par exemple, ils galèrent beaucoup plus avec ça, avec leur mythologie, leur héritage, qu'ils essaient de ramener des sagas, mais que c'est quand même moins prégnant, il y a moins ce côté recul, quoi. Enfin, c'est pas fait en ce moment, je trouve que tu vois, chez Marvel, bon, c'est valable aussi chez DC, mais forcément l'exemple vient plus chez Marvel. Il y a une grosse volonté depuis quelques mois, quelques années, de surfer sur les années 90, et on n'hésite pas du tout à te faire Inferno, machin, Heroes Reborn, tu vois, à juste te reprendre en fait des noms qui ont marché il y a 20 ans, juste pour essayer, je trouve, peut-être de s'acheter de la filiation à pas cher. Oui, et ça c'est pas fait d'une manière très très organique. En tout cas, je trouve que ce n'est pas fait en respectant à la fois le matériel d'origine et en même temps, je me sens un petit peu mis de côté. Tu vois. Alors que chez DC, j'aimais beaucoup le mot que tu as employé, toi, le côté patrimonial. C'est un truc qui, pour moi, en fait, l'aspect filiation, le fait que tu puisses avoir le grand-père, le père, le petit-fils, je trouve que c'est absolument unique. Et je crois que tu lis pas la JSA. Laquelle? Là, celle de Jeff Jones, tout ça. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai les épisodes, ouais. Mais je les ai en kiosque, moi. D'accord. Du coup, il y a le côté où je n'ai pas le temps de surmener par mes lectures. Puis il y a le côté où il faut aller les chercher. Donc, t'as de la marge. Mais la JSA, tu vois, typiquement pour de ce que tu dis de l'univers d'ici. Ah, mais par contre, j'aime beaucoup la JSA. Attention. Ouais. Je n'ai aucun a priori sur la JSA. J'aime beaucoup. Alors, évidemment, mes préférés, c'est Jay Garrick et Alan Scott. Et Wildcat. Wildcat, je l'ai bien dit. Oui, tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit, père. Je fais gaffe, Elle est bien. Il parlait de la statue de Thanos. Il ne parlait pas de nous deux. Ah, merci. Voilà. Bien rattrapé. Et oui, pour Shazam, il y a eu le Golden Age, le Golden Age et le Golden Age. Shazam, pour le coup, est un contre-exemple. C'est vrai que lui, il a resté dans son époque. Quoi. La douleur. La douleur, Civil War 2. La fausse bonne idée. Ouais, voilà, c'est ce système de suite en fait. Alors, bon, je dis pas qu'en ce moment ils font pas de suite chez DC. Hein. La preuve, encore il y a quelques. Hier, je crois qu'ils ont officialisé le fait que Dark Crisis était une suite, techniquement. Mais je trouve que leurs événements sont quand même. Alors, si je mets de côté Metal, qui est une sombre merde, je trouve quand même que les événements en eux-mêmes s'articulent de manière peut-être moins commerciale. Je sais pas trop comment le dire, mais il n'y a pas le côté où tu peux forcément prévoir ce qui va se passer chez DC. Là, au Marvel, ici, il y a eu Civil War 2. Il y aura peut-être un Secret Wars 4 bientôt parce que s'ils font un film, tu peux prévoir parce qu'il y a un succès au cinéma à côté, donc tu te dis bon voilà, ils ont fait récemment, c'était quoi, c'était Heroes Reborn volume moderne quoi, version 2022. Mais je trouve que chez DC c'était il y avait des embûches, il y avait des soucis, il y avait des trucs qui les obligeaient à un moment donné à changer leur ligne éditoriale. Crisis on Infinite Earth, oui. C'est typiquement ça. Hein, c'est régal. On veut. Ouais, je fais vraiment, je fais mon max. Hein. Et je vous jure, ouais. C'est pas. Ça, j'ai l'impression que à chaque accent, il transpire. Ah, ça va me péter une dent, je pense. Tu vois, de le dire comme ça, j'ai l'impression d'être ridicule. Non, pas du tout. Et pas du tout. c'est très étrange. Et tu vois, ce truc, c'est vraiment suite à une volonté éditoriale de changer qu'ils ont fait cette histoire-là. Et je trouve qu'ils savaient surfer sur ces vagues-là, ils savaient rebondir et proposer des trucs vraiment différents. Et je trouve que, tu vois, ça, depuis Rebirth, je le ressens pas pareil en fait. Ouais. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans une période où déjà moi, ils m'ont quand même pas mal perdu. Mmh. Et c'est pour ça que je mise beaucoup sur cette Dark Crisis. Qui tout donné magnifiquement. Ouais, celui-là aussi. Ouais. Qui a l'air d'être magnifiquement illustré pour le coup et qui en plus remet Al Jordan en avant. Qui avait été vraiment maltraité, on peut le dire, par Grant Morrison, mais bon, c'est pas le sujet. Et peut-être aussi pour te répondre à ta question, je viens juste de percuter, mais. Mon personnage préféré est chez Marvel, mon univers préféré est chez DC, mais mon comics préféré de super-héros est en indé. C'est Invincible. Donc je peux pas choisir entre les trois. Même si bon, si tu parles juste d'univers, je choisirais DC quand même. Ouais. Et tes héros favoris, en fait, on vient déjà de répondre un petit peu à la question. Hein, parce que Invincible. Ah vas-y. Alors il y a Invincible aussi. Ça dépend si tu prends en compte les indés, du coup, mais si tu parles juste Marvel et DC. Il y a Captain America, Superman, Flash, Green Lantern et Spider-Man. Flash, dur Flash. Hein. Ah, dur pour nous, ouais, pour les fans de Flash, parce qu'il n'y a pas grand-chose, du coup, j'ai beaucoup de VO. Bah, il y a beaucoup de trucs, on va dire, récents, et ce n'est pas forcément les meilleurs trucs, voilà, loin de là. Bah, ouais, pour le coup, conseiller du Flash, tu es un peu obligé de te rabattre sur ce qui sort. Comme tu dis, voilà, c'est pas forcément les trucs incroyables. Décembre, il y a le tome 5 de Geoff Jones présent Flash. Mais bon, c'est toujours pareil, j'ai l'impression de tout le temps... conseiller du Geoff Jones, mais pour le coup, bah, c'est du Geoff Jones, mais c'est surtout du Wally West, et au-delà de ça, bah, c'est génial, voilà. Alors, Barry Allen, oui, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour Wally West. C'est très rare que je préfère un sidekick au héros, entre guillemets, original, mais c'est pas Barry l'original, mais c'est celui qui a le plus marqué, on va dire, l'histoire, même si Wally West, c'est celui qui a le marqué peut-être plus sa génération, quand même. Mais je dirais Wally West, quand même. Par rapport à tout ce qui lui arrivait dernièrement en plus, donc j'ai adoré l'arc. Alors, ce qu'il a eu dans Heroes in Crisis beaucoup moins, mais le côté où le personnage était perdu et devait retrouver ses marques et avait perdu sa famille, qu'il a ensuite, attention spoiler, plus ou moins retrouvé, j'aime beaucoup Ali. Et ne serait-ce parce que les héros sont sous-représentés dans l'univers des comics, c'est vrai. C'est vrai. T'as lu le Flash Infinite, Tom 1 ? J'ai lu Flash Infinite. J'ai trouvé ça sympatoche. C'est très très sympa. Le début m'a pas forcément plu, mais la deuxième partie m'a vraiment plu. En fait, si tu veux, attention, on va spoiler. Flash Infinite, tome 1. Là, il y a le tome 2 qui devrait pas tarder à sortir. À mon avis, j'irai dessus. Ouais. Et si tu veux, t'as 2-3 facilités, tu vois, que le Raptor, machin, le... ça, c'est des trucs que j'aime pas trop. Mmh. Du moment où le voyage dans le temps se rapproche de périodes qui me sont beaucoup plus, que j'aime particulièrement, la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses, là, tout de suite, ça devient nettement plus intéressant. Et après, j'aime bien l'idée qu'il y a derrière, mais j'attends de voir un développement. Tu peux pas, sur 6 épisodes, vraiment te rendre compte. Mmh. J'attends de voir vraiment ce que ça peut donner sur un peu plus de long terme. Mais à mon avis, j'irai dessus. Et ah là, il y a eu la doublette. Hein. Ah là là là. Alors, il y a lui déjà, là, qui est un commentaire absolument répugnant. Puis alors, j'ai eu du mal à le lire tellement. Ouais, alors toi, en plus, tu vas souffler là. Je pense que c'est terminé. Hein. Si tu le lis, je pense que tu auras tout donné. J'ai une question. Vas-y, je t'en prie. En imaginant demain, on a envie de créer, pas nous, hein, mais Marvel, DC, peu importe, aura envie de créer un nouvel héros. Quel type de valeur t'aimerais le voir porter pour qu'il puisse te plaire à toi intimement? Très facile. Il faut que ce soit un boy scout. Non. Mais dans le sens où on vit tellement une époque de merde et on a tellement la tête dans le seau en fait que je vais faire regarder un peu le set pour donner un côté dramatique. Je trouve que en fait c'est le genre de héros qu'il faut tout simplement. C'est-à-dire que les gens sont là à cracher dessus quand on leur fait une histoire où le super-héros il sauve des gens, quand le super-héros il défend des valeurs, mais en fait c'est pour ça qu'ils ont été créés. Si c'est pour voir des Jokers, des Harley Quinn et des foutaises comme ça, H24, non merci quoi. Je mets un peu de sel aussi pour. Voilà. Oui, bon, bah, de toute façon, voilà, mais... c'est même pas du sel, c'est un avis, voilà, après... Pour moi, c'est... Après, il faut, évidemment, il faut nuancer, il faut... Mm-hmm. Là, je te donne un archétype, mais après, ton archétype, il faut que tu le... Il faut un bon scénariste, il faut quelqu'un qui sache créer le truc. Invincible est un très bon exemple. Alors, Invincible a déjà 20 ans, c'est vrai que c'est plutôt jeune maintenant, mais je trouve qu'ils ont réussi le tour de force de recréer un Boy Scout, mais en nuançant un peu son parcours et en nuançant les actions qu'il doit mettre en place, les choix qu'il doit faire. Et pour moi, c'est une réussite, parce que c'est ça un super-héros, en fait, à mes yeux. Ouais. Tu vois, je mettrais pas, je dirais pas Boy Scout. Après, c'est pour schématiser le trait, je dis ça. Parce que le côté Boy Scout, c'est un côté un peu péjoratif, tu vois. Mais c'est juste, et Invincible, il va falloir que j'en parle un jour de toute manière en vidéo, parce que j'ai détesté Invincible, vraiment, pendant longtemps. J'ai eu une première approche de lecture qui était vraiment catastrophique. Le dessin, le scénario, rien ne me plaisait. À force d'entendre tout le monde m'en parler, m'en dire du bien, j'ai retenté l'expérience et j'ai, pour l'instant, j'ai lu les trois premières intégrales et j'adore. Mais j'adore, j'adore aussi, mais ça je l'ai déjà dit, parce que je lis les intégrales Spider-Man en même temps que toi et que je repère des mécaniques de construction d'univers et de personnages qui sont semblables, ce qui me plaît encore plus parce que je me dis que le scénariste ne chie pas forcément sur ses pairs, mais au contraire, il sait en tirer le meilleur parti et les adapter à une époque qui était la sienne, et ça c'est absolument génial. Et pour le coup, même si ça a 20 ans, Invincible, après je dis ça, je suis vieux, mais je trouve que ça n'a pas vieilli. Vraiment, fondamentalement. Non. Tu vois, j'attends encore quelques années pour pouvoir le proposer à mes fils, parce oui. Ça envoie quand même. Ça envoie du bois. Mais je suis à peu près certain que c'est une clé hyper intéressante pour justement accéder à un univers super-héroïque un peu étendu. Vraiment, vraiment très, très, très, très, très sympa. Est-ce que je peux me permettre de répondre à Vin Shuji, c'est ça? Par exemple, pour Kellerainer, en effet, Omega Man est très sympa. Alors, il faut juste que tu saches que c'est pas le récit le plus central sur le personnage qui existe. Il est assez secondaire sur la première partie de l'ouvrage. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Pumpkin, par exemple, mais je trouve qu'Omega Man, ça marche parce que c'est là que son propos, donc souvent un peu, je vais pas dire anticonformiste, c'est pas le terme, mais Pumpkin, il aime bien justement mettre à jour des complots, mettre à jour, parce que c'est un peu lié au travail qu'il faisait avant. Et je trouve que ça matche bien avec le propos actuel de notre société. Par contre, ça, si tu es juste fan de Kyle Rayner, tu vas peut-être avoir un petit manque quand même. Parce qu'il est vraiment mis en avant sur la fin de l'album, il a vraiment une remontée iconique. Mais il faut attendre, il faut passer les trois quarts du récit, parce qu'après, le reste du récit, comme son titre l'indique, c'est Omega Man. Voilà. Et oui, éclaireur, tout à fait. Voilà. Donc pour moi, c'est même pas. Le terme est devenu péjoratif, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est parce que les gens l'ont pris comme étant péjoratif. Alors moi, un Boy Scout, c'est pas péjoratif. Il faut qu'on pense à répéter les questions en fait qu'on mette, parce que qu'après, quand je vais le mettre le podcast, pardon, c'est vrai. Du coup, les gens, ils n'auront pas la question. Ah oui, je suis con. Un Boy Scout signifie éclaireur, donc définition parfaite pour Sup. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Mais il dit beaucoup de choses vraies, lui. Mais là, il y a une belle brochette de gens qui disent des choses vraies, à part il dit qu'évidemment... À part lui, évidemment, qui dit de la merde. Voilà, Old Man G, voilà, il nous a mis dans ça. Et évidemment, il lit en moi comme dans un comics ouvert. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on passerait pas à une autre période de ta vie, pas la dernière, j'espère, hein, faut pas déconner, parce que t'es quand même jeune, mais tu es un adulte. Oui, un peu moins. Un peu moins et demi. Quand t'as vraiment, on va dire, passé le cap, on va dire des 18-20 ans, que tu commences vraiment à avoir des lectures... on va dire vraiment adulte, tout ça. Est-ce que tu as vraiment des lectures, même si ce n'est pas forcément des comics, des lectures qui t'ont marqué, qui ne t'ont pas changé, mais qui t'ont laissé une trace indélébile? Oui. Beaucoup d'indés. Vaut mieux que tu me dises oui, parce qu'on a préparé ça avant. J'essaie de mettre un petit effet quand même. Mais beaucoup d'indés, parce que c'est le moment où j'ai commencé à travailler dans le milieu. Et du coup, j'ai pu lire des choses que je n'aurais pas forcément lues en tant que simple lecteur. Tu as travaillé dans le milieu du livre, c'est-à-dire maintenant, faut le dire, les gens ils savent pas forcément. J'ai travaillé en librairie, alors je suis libraire de vocation toujours, même si actuellement je n'y suis plus, mais c'est pas dit que ça change pas. J'espère. Mais du coup, en effet, j'ai travaillé en librairie pendant quelques années et ça m'a permis de lire pas mal de choses. Et notamment en termes de lecture, qui m'a vraiment marqué, c'est Black Science. Un comics de Rick Remender, oui. En 9 tomes, publié chez Urban. C'est typiquement, quand je te parlais de nouveaux héros avec ce genre de valeur un peu Boy Scout, tu prends le personnage principal de Black Science, C'est tout à fait ça. J'ai lu le tome 1 qu'on m'a offert très gentiment. Et... T'es passé à côté ? C'est vraiment bien. Parce l'environnement, les couleurs, le... J'adore. C'est vrai. J'adore. Moi, j'adore les dessins de Matteo Scalera. J'adore la construction du personnage principal, qui est un père de famille, qui va mettre en avant son... fallait pas le dire. Ah bah non, mais c'est pas. J'en ai déjà parlé. Pardon, oui, du coup, je lis les messages. Donc, c'est Oscomics qui dit fallait pas le dire, un magicien dévoile pas ses tours. C'est pas trop grave. Et c'est un blogueur qui dit Anto Libred, du coup, voilà, avec son humour, ses caractéristiques. C'est pas pour ça qu'il est le meilleur, mais bon. Vous avez la preuve devant vous. Et du coup, oui, Black Science, parce que. Parce que le côté tourmenté du personnage, qui est un scientifique aguerri, mais qui fait passer sa famille au second plan avant le début de l'histoire, et qui, toute l'histoire, en fait, va tourner autour de ça, plus qu'une aventure interdimensionnelle, c'est l'histoire d'un père de famille qui essaie de se reconstruire et qui essaie de recréer des liens avec ses enfants et sa femme. Et je trouve que c'est brillant, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. Je connaissais très peu Remender avant, j'avais lu Fear Agents, qui était de lui aussi, qui était vraiment excellent, mais Black Sands, c'est vraiment de la lecture indé qui m'a rendu invincible, qui m'a mis une claque, qui m'a fait mettre le pied dans cet univers de l'indé, qui m'a ensuite fait découvrir Brubaker, que tu apprécies particulièrement en ce moment, d'ailleurs, parce que c'était l'une de tes lectures de l'été. Allez voir cette vidéo, bien sûr. Non, bah non, je ne l'ai pas fait encore. Si enfin, j'ai dit que j'allais le relire. J'ai mais déjà lu les deux, j'allais le faire. Mais il y aura une vidéo ouais, sur Criminal. Courte, hein, c'est génial. Fin de vidéo. Voilà. Merci Sébastien pour le commentaire. Il me dit que ma chemise est accordée avec la couleur de mes yeux. Évidemment, tout ça était involontaire. Et de son slip. Mais c'est une autre histoire. Donc, Black Science. Black Science, Fear Agent, qui est certes perché, mais moi j'ai du mal avec la fin. Je le dis pendant que Spider-Man n'est pas là parce que c'est son truc préféré. Moi j'ai un peu de mal avec la fin où j'ai l'impression que le concept lui échappe un peu à la fin. Ah non, justement, je trouve qu'il rebondit bien sur la boucle et bouclée. Faudra qu'on en parle. On va pas spoiler, ce serait dommage pour le coup. Les comics indés, j'évite de les spoiler parce que il y a quand même des belles pépites. Il y a quand même des belles expériences. Ouais, puis après, c'est moi. C'est pas des univers, donc c'est, ouais. Il vaut mieux faire un pitch. Et même des fois, même de pas en faire. Ouais. Mais j'ai déjà essayé hein, de parler d'un bouquin tu vois, sur la chaîne et de dire je vais pas vous faire le pitch. Petit retour. Hein. compliqué. Mais il y a des bouquins, j'aime bien, tu vois. Aller dessus soit à la confiance soit simplement parce que tu le croises et tu dis ouais, c'est quoi ce truc là tu lis même pas la quatrième de couverture et tu le lis. J'ai fait quelques bouquins comme ça, mais Black Magic par exemple. Black Magic le bouquin. Oh putain, je l'ai lu, voilà, j'avais pas lu la quatrième de couverture, je savais pas de quoi ça allait parler. Nécessairement t'es cueilli à froid, soit ça passe, soit ça passe pas. Si ça passe pas, ça passe pas du tout, mais si ça passe, alors là, je vous promets des expériences de lecture absolument ouf, quoi. Vraiment. Ouais. Et quoi d'autre ? Black Science, Invincible, Fear Agent, Brubaker. Alors, pour les comics de Brubaker, c'est surtout. Alors, Criminal, beaucoup en effet, mais c'est pas Criminal mon préféré, ce serait peut-être Killer Be Killed pour l'instant. Ah, il est bien aussi. Qui est vraiment. Bah, qui est plus autocontenu, parce que c'est en 4 tomes. Ouais. Et la fin, je l'ai adoré, parce que ça rebondit sur la. Bah, la vie de Ed Brubaker en tant que scénariste de comics mainstream aussi, donc lié aux super-héros. Et il a réussi à mixer l'indé avec le super-héros de manière très intelligente dans son propos par rapport au pitch que je ne dévoilerai pas du tout. Qui est vraiment une super série en 4 tomes. Si vous aimez les polars et les super-héros, et les justiciers de manière générale, c'est super. Vraiment, c'est top. J'aurais tendance à vous conseiller d'attendre avant de vous les procurer. Parce que dès le cours, ils sont, à part si vous les chopez d'occasion ou un truc comme ça, où vous voulez aller vous acheter les 4 demain en librairie. Ouais. Mais ils sont vraiment dans une politique où ils rééditent pas mal de choses en intégrale et c'est des beaux objets. Surtout pour les cœurs. Ouais. Et vraiment, ça vaut le coup. Et c'est bizarre parce que je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, quand tu fais des vidéos, des trucs comme ça, c'est assez facile de vendre, entre guillemets, mais de présenter un Marvel, de présenter un DC, mais parce que les gens, ils connaissent un petit peu, le commentaire d'os, c'est tout. L'univers. Et les enfoirés. Ils connaissent un petit peu l'univers, donc c'est plus facile en fait de les faire accrocher dessus que lorsque tu leur parles d'un indé, on part vraiment sur une page blanche. Et donc il faut réussir à leur faire imaginer qui vont pouvoir adhérer à des concepts qu'ils ne connaissent même pas encore. Mmh. Et je trouve que c'est plus compliqué. En tant que libraire, tu as eu des... Non, moi, c'est l'inverse, justement. Ah ouais, c'était plus facile. Plus facile de vendre de l'indé parce qu'il n'y a pas que du super-héros. Et les gens sont... Enfin, surtout le public français, forcément, a une image assez ternie, en fait, des super-héros. Ouais. À cause peut-être des autres médias, j'en sais rien. Après, il y en a pour qui c'est une révélation. Moi, le cinéma m'a permis justement de découvrir cet univers, mais d'autres, surtout dans les films actuels, qui sont assez, qui sont assez clivants, on peut le dire, du coup, ça laisse une image qui n'est pas forcément la meilleure, et du coup, ça entache aussi l'indé. Thor 4, il m'a bien clivé, moi. Il n'a pas fait que. Je ne l'aurais pas dit aussi proprement. Très bien dit, très bien dit. Mais en effet, je trouve que du coup, les gens sont persuadés que le comics, c'est ça, mais en fait, c'est aussi ça. Et du coup, c'est bien de montrer que c'est pas que du super-héros et c'est plus facile de vendre un Black Science, en tout cas pour moi, parce que tu ne joues pas sur le côté où c'est un comics, tu joues sur le fait que c'est une BD américaine, mais ça reste une BD. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu peux la vendre sur d'autres aspects. Là où c'est plus difficile de vendre un comics de super-héros à quelqu'un qui n'en a jamais lu, pour le côté forcément impressionnant de la chose, qui dans les faits n'est pas si impressionnant une fois que tu maîtrises un petit peu les codes rapidement, mais du coup, il faut quand même être aiguillé. Toi, tu as remarqué dans ton métier de libraire que du moment où tu disais comics à quelqu'un, il y avait un petit peu un petit côté rédhibitoire. Il y a un côté rejet de certaines personnes quand tu leur dis les comics, ça ne vous dérange pas. Ah, comics, ouais, pas trop. En fait, tu leur montres un comics indé, tu leur montres une BD indé, tu remarques qu'il y a 95% de points communs, à part l'origine du coup. Et t'es tombé sur des mecs qui revenaient te voir et qui disaient non, j'aime pas les comics, ouais, mais je t'en ai fait acheter 2-3 ou 7 arrives. Bien sûr, ils ne le savaient pas. D'accord. Ils nous regardent. Ils nous regardent, mais c'est. Mais il ne le savait pas forcément. Ouais. Donc c'est ça que. The Darkness, j'ai pas lu, juste au passage. Donc je répondais à des ondes d'or qui me demandaient ce que je pensais de The Darkness. Mais je n'ai pas lu. Ouais. Partie de ces comics des années 90 qui m'ont échappé. J'ai pas lu beaucoup de comics indés des années 90. Donc, voilà. T'avais pas un roman aussi que tu voulais. Un roman qui t'avait vraiment marqué? Oui, oui. Adolescence pour le coup, mais c'est 1984. George Orwell. Ouais. Qui m'a beaucoup éveillé à plein de trucs. Alors, je ne suis pas militant pour un sou, je suis pas, et puis ce n'est pas le but non plus, voilà, mais on va dire que ça m'a éveillé sur certaines convictions que j'avais en moi, qui sont présentes de manière très modérée. Hein. C'est pas, encore une fois, je ne suis pas en mode. Je suis pas le mec qui va se lever à 8 heures pour aller faire telle action, machin. Mais disons que j'ai des convictions, j'ai des. Mais principes. À 9 heures Mais à 9 heures avec un petit café. Ça m'a éveillé sur certains de mes principes que j'avais en moi, sur lesquels je ne fais pas de concession. Et je trouve que 1984 de George Orwell, alors ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vraiment une œuvre intemporelle qui marche encore plus aujourd'hui et qui a vraiment résonné quand je l'ai lu. En plus, alors la première fois que je l'ai lu, c'était pour un cours d'anglais, donc j'avais lu en anglais. Mais c'est très accessible. C'est-à-dire que. Oui, on me l'a dit déjà. On m'a déjà fait le coup de dire « Tu verras, c'est très accessible. Mate l'omnibus là-haut. Je l'ai racheté en VF. » Il est con. Je te le rachète du coup. En ça? Non, pas du tout. Ah, merde. Oh, Chiouk. Oh, non, le blasphème. T'aimes pas Chiouk? Non, je la connais pas, donc je vais pas me prendre. Putain, mais je vais te la présenter. Tatiana, si tu nous regardes. Tatiana Maslany, du coup. Actrice. Pour c'est elle, pas la ref. L'actrice? Ouais. D'accord. Je vais peut-être faire des vidéos sur Chiouk, les enfants. Je vous le dis. C'est pas impossible sur les épisodes. Les reviews des épisodes. J'ai peur si je dis des horreurs, c'est. Mais peut-être pas. Mais non, parce que t'as un avis de personne qui a lu les comics She-Hulk, qui en vrai. Tu allais dire un personne âgée, je vais dire oh l'enculé. Non, pas en live, c'est en off. Ça. Est-ce que c'est la continuité qui refroidit? Peut-être. Je sais pas. C'est fort possible. Mais bon, après, moi, encore une fois, il y a le côté où les gens ont une image pas forcément très connue aussi du truc. Donc. Les gens nous connaissent bien. End of Days, en effet, comme nous dit Flo, il y a moyen que je te le pique avant qu'on parte. C'est pas impossible. Ouais, il va pas s'en rendre compte, parce que je suis un très bon magicien. Tout à fait. Je relève le défi. Non, voilà. Ouais, je crois que si on a fait à peu près le tour quoi, des lectures... Si, je voulais te poser une question sur 1984. Bah oui, je te touche, parce que du coup, il est là. C'est mis dans l'oreille. Il s'est fait exprès. V pour Vendetta, ça t'a pas fait aussi un petit peu ce truc différent? Pas vraiment, ouais, bizarrement. C'est étonnant hein, parce qu'il y a des valeurs similaires, mais je sais pas. J'ai bien aimé le comics, attention, hein, je vais pointer, c'est cool, mais je préfère largement pour le coup Watchmen d'Alan Moore. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans V pour Vendetta, c'est la manière en fait dont ça dénonce des mécaniques totalitaires. et peu importe quel type de totalitarisme, oui, c'est tout. Mais des mécaniques très simples et quasiment intemporelles. Ouais. Et je trouve que c'est un guide d'avertissement du « attention, ça peut déraper ouais. ». Soyez attentifs. Et ouais. J'ai vraiment, vraiment aimé V pour ça. Plus tout le reste à côté. Mais justement, il y a ce message de fond que j'ai trouvé à la fois très simple, expliqué d'une manière simple, et à la fois très marquante. Non, mais c'est une très, très bonne œuvre. C'est juste que je ne l'ai peut-être pas lu au meilleur moment. Je l'ai lu assez récemment. Et je l'ai lu dans une période où je n'étais pas forcément en mode Alan Moore, tu vois. Parce que c'est dur, Alan Moore, on va pas se mentir. Ah, c'est pas évident. Moi, Watchmen, j'ai vraiment beaucoup aimé Watchmen. C'est vrai que je suis pas un grand fan du scénariste. J'avais commencé Promethea, que j'ai trouvé incompréhensible, enfin pour moi en tout cas. Alors, en effet, Oz qui commente le fait que je vais forcément repartir à des poches pleines de cette journée absolument incroyable. En effet, j'ai des mains à ramasser de la monnaie sur le comptoir. Voilà, je l'ai calé, je suis content. Petite private joke. Continue, je t'en prie. Je t'en prie. Il est où d'ailleurs, MMD ? Peu importe. Je vais le prendre. Qu'est-ce que doit faire un scénariste pour te séduire ? Alors, hormis le fait de se mettre tout nu devant moi, il y a d'autres étapes intermédiaires. T'as vu ? Attends, bouge pas, deux secondes. T'as vu ma question, comment elle est bien ? Comment elle est, tu vois ? C'est pas « Oh, quel est ton scénariste favori ?» Non, c'est « Que doit faire un scénariste pour te séduire ?» Insidieusement, c'est qui ton scénariste favori ? T'as vu comment il me la salope, ma question ? Ah, putain. C'est vrai qu'elle était quand même vachement belle, ta question. C'est con que ce soit en live et qu'on puisse pas faire de montage. C'est pas grave. Tu pourras te le faire sur le podcast. Non, je n'ai pas le temps. Je vous le dis tout de suite, ça part tel quel. Hein. Un scénariste, il doit respecter le matériel qu'il utilise, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'essence des personnages qu'il adapte. Pour moi, c'est une... C'est un point sur lequel je suis très, très, très exigeant. Ce n'est pas dans le sens où il doit tout respecter à elle, parce que si tu dois tout respecter, tu ne fais rien, en fait. C'est-à-dire que tu te contentes de répliquer ce qu'il y a déjà eu par le passé. Je suis pour les changements dans les comics. Par contre, il faut respecter l'essence, donc les valeurs, on va dire, centrales d'un personnage qu'il met en avant. Ça, c'est s'il fait du super-héros, et s'il fait de l'indé, il a carte blanche, il peut faire un peu ce qu'il veut. Je suis beaucoup moins regardant là-dessus. Il faut que le récit soit... me parle peut-être en termes de thématique. Moi, je sais que je suis pas un grand fan de fantasy, par exemple. Donc, si c'est un récit de fantasy, je saurais y reconnaître les qualités objectives. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlera beaucoup moins. Maintenant, si c'est un très bon récit de fantasy, peut-être que je kifferais, tu vois. Et ça, après, tout dépend du talent du gars ou de la personne, de la meuf. Mais bon, moi, c'est surtout respecter. Quand tu fais du mainstream, c'est respecter le matériel que tu adaptes. Voilà. Et du coup, ton scénariste favori? Ou ton top 3, top 4, top 5, peu importe. Grant Morrison. Non, évidemment. mes scénaristes préférés, putain, ça, j'y ai pas trop réfléchi pour le coup. J'en ai un, évidemment. Évident, c'est Geoff Jones. Il faut lui faire un barbecue. Alors, lis le message, ton podcast là-haut. Que doit faire un Stéphanois pour te séduire ? Voilà, parce que je suis Stéphanois, des fois, il y a des gens qui ne le sachent pas. Pourtant, tu t'appelles pas Stéphane. Il est naze. Il doit juste me faire un regard un peu langoureux et puis voilà, ça marche. Donc Geoff Jones, top 1, indétrônable, il bougera pas. C'est le mec qui remplit toutes les conditions que je viens d'évoquer à l'instant. Il respecte son matériel, il est fan des personnages Boy Scout optimistes et qui transmettent des belles valeurs, sans que ce soit nunuche, encore une fois, je le rappelle. Il a une connaissance profonde de l'univers d'ici qui est juste intestable. En tout cas, il y a très peu de personnes qui peuvent s'asseoir à sa table. Il y en a quelques-unes que je vais peut-être citer juste après. Mais lui, pour le coup, il fait partie des meilleurs. Qu'il aille pas vers le cinéma, il n'a pas besoin. Et en vrai, en tant que producteur exécutif, il n'est pas bon. Par contre, c'est un excellent scénariste. Et encore une fois, tu t'en touchais un mot tout à l'heure, mais il a quasiment écrit sur tous les personnages majeurs de DC. Il a fait un peu de Marvel aussi. Il a bossé sur les Avengers, notamment, dans les années 2000. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une grande adaptabilité. Qui sait s'adapter aux personnages qui met en avant. Et là, tout récemment, en Indé, je trouve qu'il a encore des choses à dire. Il fulmine encore avec Geiger. Gégère, si tu me regardes. Et voilà, moi, je trouve que c'est mon top de liste. Et il bougera pas du tout. On répondra à Rose, OK. Et je mettrai en 2 et 3, peut-être, Mark Waid. Ouais. Parce que Mark Waid, il a fait l'un de mes comics ici préférés, donc Kingdom Come. Pareil, c'est une encyclopédie sur pattes pour les mêmes raisons que Geoff Jones. C'est vraiment, en général, c'est une valeur sûre. Alors, j'ai moins aimé ce qu'il a fait dernièrement dans l'Indé avec les humanoïdes associés, tout son label qu'il a lancé. Je suis pas accroché. Par contre, ce qu'il a fait chez Marvel et DC, voilà, c'est, ça se place très très haut et ça, pareil, ça bouge pas. Alors là, forcément, là, pour les scénarios, j'avais pas réfléchi, donc je suis un peu pris au fait. Oui. Je sais pas trop parce qu'il y en a peut-être des évidents que je n'ai pas évoqués. Mais de toute façon, le principe de ces trucs, c'est que ça peut changer du jour au lendemain. Si, si, moi quand même, je mettrais. Est-ce que je le mettrais quand même? Je sais pas. Moi, j'ai mis Stan Lee la dernière fois. Bah, j'y pensais en fait. Mais Stan Lee, après, avec le temps, ça s'est un peu étiolé. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses incroyables, mais. En termes de création. Bah, je suis obligé de citer Stan Lee parce que sinon, sans lui, je serais pas là en fait. Donc. Mais encore une fois, c'est une collaboration. Voilà, je tiens à préciser. Comme Geoff Jones d'ailleurs, il est souvent épaulé de très bons dessinateurs. Gary Frank en tête, évidemment, ou Ethan Van Siver, ou même Jason Fabok. Donc c'est souvent des collaborations, mais c'est vrai que Stan Lee, il a quand même. Voilà, il a co-créé mon personnage préféré avec Steve Ditko. Et on en parle dans les émissions, mais ce qu'il a fait en termes de création d'univers, ça arrive quasiment plus aujourd'hui. Donc, je pense que c'est arrivé avec Invincible. Je crois le Invincible découvrir. Et aussi, alors moi, il y a juste rapidement, j'en ai oublié d'en parler, mais Foxboy, que j'aime beaucoup. En termes de création de l'univers, j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec Laurent Lefebvre et je trouve que c'est quelqu'un qui a complètement compris son médium, qui a lu L'Estrange et Nova, tout ça à l'époque, donc il sait très bien comment ça se présente, il en joue en termes de mise en scène. Il crée un vrai univers, et encore plus dans les tomes qui viennent de sortir actuellement. Le tome 1 est très introductif, il peut pas forcément donner envie de donner suite à la lecture. Par contre, dès qu'on embraye sur le tome 2 ou 3, on arrive dans quelque chose qui est vraiment très personnel. C'est un vrai message d'amour qu'il lance en fait au Big Two. Et comme Invincible, il évite les écueils. Et je trouve que tu peux encore créer des univers comme ça, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Et tu vois, juste pour enfoncer le clou sur Comics Initiative et Laurent Lefebvre, c'est que d'une part, les gens de chez Comics Initiative sont vraiment des gens géniaux et d'une gentillesse rare et extrêmement disponibles, et surtout qui ne pètent pas plus haut que leur cul, c'est-à-dire qu'ils se prennent pas pour quelqu'un d'autre, et ils ont toujours un discours de vérité vrai, pour le coup, et que j'apprécie tout particulièrement, et je pense que c'est un éditeur qu'il faut garder dans le viseur et aider quand on peut. Et pour être tout à fait honnête, j'aurais pas parié un copec sur la qualité de Foxboy. Un super-héros français breton. Regarde ma gueule, regarde ma bibliothèque, je parie pas un euro dessus. Y a aucune chance, normalement. Et ben, j'ai eu tort. Et effectivement, c'est d'une très très grande qualité et ça vaut vraiment vraiment le coup non seulement de s'y intéresser pour soi mais aussi parce que je trouve que c'est extrêmement important de soutenir des gens qui font ce type de travail. Voilà. C'est un peu tu vois, c'est la filière locale, j'ai envie de dire. Je suis pas breton, loin de là, mais quand il y a des choses qui se font bien et à côté de chez nous, et ben il faut savoir le reconnaître et savoir donner un petit coup de pouce. Voilà. Ouais, bon, puis quand c'est fait avec amour et vraiment de grosse qualité aussi, voilà, c'est Je disais juste le truc d'Anata qui dit Tiny Howard aussi, elle crée des univers à elle, mais tellement à elle, putain, mais grave, mais Tiny, waouh, ma petite planète Tiny. Et on l'embrasse. Il y a Oz qui posait une question super sympa. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de scénariste qui n'a pas respecté le perso, qui l'adaptait et qui t'a choqué? Grant Morrison avec Green Lantern. Ah, ça va vite. C'est le premier qui me vient en tête. Alors, c'est pas forcément le pire, j'en sais rien, mais c'est le premier. Dans le sens où il a choisi d'adapter Al Jordan. C'est-à-dire qu'il y a plein de Green Lantern. Sauf que le traitement qu'il a donné à Al Jordan, alors j'ai pas lu l'entièreté du tome 4, j'ai pas pu finir, malheureusement, c'était pas possible. Mais le traitement qu'il a donné à Al Jordan est très déshumanisé, en fait. Il est très. Un peu comme son Superman de All-Star Superman, il est très christique, très, très super-héroïque. Alors, en général, c'est pas pour me déplaire. Mais il a complètement vidé l'humanité en fait qui caractérise le personnage et qu'on avait avec Venditti, Robert Venditti, qu'on avait avec Geoff Jones, qu'on avait dans les comics aussi de l'époque, hein, de Jill Kane, Josh Broom et tout, qui faisait que c'était un personnage vachement bien parce que le mec c'est un pilote d'avion à la base. Et du coup il en a fait une espèce de mec. Alors certes, Al Jordan avec le temps est devenu un modèle du corps des Green Lantern, mais il a enlevé ce qui moi m'intéressait avec le perso, ce qui fait que j'étais pas impliqué dans ces histoires. À Grant Morrison, c'est parce que son Al Jordan, je trouvais très creux, en fait. Donc pour moi, typiquement, l'univers autour a beau être hyper accurate, il a beau aller piocher dans du Silver Age, mes couilles, ce que tu veux, super Grant, je suis très content pour toi. Par contre, ton héros principal, le nom de ta série, c'est, alors en VO, c'est The Green Lantern, mais ton héros, c'est Al Jordan. Donc il faut que tu respectes ton héros. Si tu ne le respectes pas, ben voilà. Il y a bien 2-3 épisodes où il fait intervenir sa famille, où... mais c'est des agnoles, c'est des trucs à part. On sent qu'il, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'univers cosmique qui est autour. À ce moment-là, fait une série Green Lantern Corps. Oui, ou faut autre chose. On fait voir avec les comics. Mais bon, après. Et alors, Doomsday Clock, en effet, pour répondre à Vinjin qui me demande si, ce que je pense du Doomsday Clock de Geoff Jones, pour moi, c'est l'une des masterclass de ces dernières années en termes de comics. Je n'ai pas peur de le dire, en termes de valeur que ça transmet, en termes de ressenti que j'ai eu en le lisant. Je ne parle pas du côté Watchmen qui, en effet, peut faire débat, comme tu dis dans ton commentaire. Là-dessus, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre puisque j'aime beaucoup Watchmen, mais je ne suis pas un fan puriste comme certains, et ce n'est pas une critique, attention, c'est juste que moi, j'aime Watchmen, mais je ne suis pas dans le côté religieux de l'univers. C'est pas sacralisé. Pourquoi. Sacralisé, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Par contre, la partie DC de Doomsday Clock, moi, je trouve incroyable. Parce que Geoff Jones, il est, encore une fois, j'ai déjà parlé dans un live, mais il est très méta, il fait son chant du cygne chez DC, il explique tout l'amour qu'il a pour ses personnages, et il se sert de l'univers DC comme d'un exutoire pour montrer aux gens que Superman est et restera toujours au centre de l'univers DC, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse avec les Metal Rick Snyder ou avec la Batmania qui existe actuellement. Superman est au centre, la JSA est au centre, Stargirl est au centre, c'est des personnages qui comptent pour lui. Et donc pour moi, il y a une partie de respect quand même qui est très très très très forte et qui fait que j'adore cet homme. Bah, je suis pas contre. Attends, là, j'ai un petit pouce bleu pendant que vous êtes là. Bah, c'est toujours sympa. Merci. Il est bien. En parlant de Grant, j'imagine. Voilà. Voilà. Et Grant, c'est un peu facile. Parce que c'est facile, si tu veux, de ne pas aimer Grant. Oui. Est-ce que tu as vraiment un scénariste ou une scénariste que tu n'aurais pas forcément, que tu n'aimerais pas forcément, mais que d'autres peuvent aimer? Et pourquoi, pourquoi tu l'aimes pas? Que j'aime pas, bah ouais, j'en ai plusieurs. Il y a, je dirais, Tom King. Bah, je sais, mais j'en ai déjà parlé. Non, mais c'est super intéressant. Tom King, moi, je justement, alors il y a des histoires que j'aime bien. Tom King, on en parlait à l'instant de Mega Man, que j'aime bien. Ce qu'il a fait sur Superman Up in the Sky, je trouvais ça plutôt cool. C'est pas mémorable, ça a déjà été vu et revu, mais c'est plutôt cool. Par contre, il a fait du Heroes in Crisis. Alors après, il était chapeauté par DC et Dan Didio, ok. Il a fait Mister Miracle, que moi, je n'ai pas forcément trouvé sensationnel. Je reconnais les grandes qualités de cette œuvre, il n'y a pas de souci, ne me frappez pas. Mais ce n'est pas le genre d'œuvre qui me font triper, ce n'est pas le genre de héros, malgré le côté loser, hein, pourtant. Mais moi, Scott Free, je ne suis pas spécialement fan, et je reconnais qu'il en a fait quelque chose de bien, mais ce n'est pas mon truc. Et en fait, ce avec quoi j'ai du mal avec Tom King, c'est son côté peut-être trop concret et trop réaliste par moment. Il s'autorise peut-être moins cette part de rêve. Cette part de comment dire, cette part de fantastique qui est propre au super-héros de comics, il est peut-être trop terre-à-terre, apparemment. Et je ne suis pas contre le terre-à-terre, j'adore ça. Mais ça dépend des personnages. Tu vois. Et il y a peut-être trop ce côté où sa carrière de... Alors lui, je ne sais plus si c'est lui qui était... Sofiane confirmera, mais je crois qu'il a bossé dans les services secrets, lui, c'est ça, dans C'est Seiya. Il y a peut-être trop son empreinte, justement. Il travaille à Burger King aussi, mais c'est pas le chef. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il a bossé chez McDo. Du coup, je dirais Tom King. Là, c'est celui qui me vient le premier en tête. Là, vraiment, là, pour le coup, c'était pas préparé, donc c'est celui qui me vient en tête. Il y en a peut-être d'autres. Alors, pour Bendis, il y a du bon et du moins bon. C'est comme la plupart des gens. Je pense que Bendis, c'est des choses que j'aime pas du tout. Ce qu'il a fait sur Action Comics dans la période Rebirth, j'ai pas aimé. Par contre, j'aime beaucoup son Superman, assez étonnamment. Daredevil, j'adore, mais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime pas de Bendis? T'aimes bien son Daredevil quand même. Daredevil, j'aime bien. Ultimate Spider-Man, il y a des passages que j'aime pas, par exemple. Je trouve qu'il y a des passages très bien, mais il y a des passages que j'aime pas. La partie avec David Lafuente, la partie post-Ultimatum, par exemple, je trouve pas ça incroyable. Et moi, j'aime beaucoup le début, on va dire les 20-30 premiers épisodes. Ouais. Et après, pour moi, non, en fait, c'est totalement indispensable. Ouais. Vraiment. Et donc, tu vois, moi, je me suis pris le premier. Omnibus, j'ai 2-3 fascicules encore derrière qui suivent les fascicules de l'époque que j'aimais beaucoup, mais derrière, tu vois, non, j'ai pas pris le reste et je prendrai pas le reste. Pour moi, ça vaut pas le coup. Pour moi, c'est pas ce que je recherche. C'est pas, en plus, selon l'expression consacrée, c'est pas mon Spider-Man, c'est pas le Spider-Man qui, moi, me fait vibrer. Vraiment, je suis d'accord avec toi parce qu'on a une vision de Spider-Man qui, encore une fois, voilà. qui est plus classique, mais c'est, ça se tient. Et puis après, je comprends qu'on ait grandi avec. Il y a peut-être aussi un auteur que je voudrais mentionner, c'est Mark Millar. Pour moi, se parodie d'année en année, se caricature d'année en année, et je ne trouve plus la fougue des débuts. qu'il a fait connaître justement le côté Ultimates, le côté. Alors moi, c'est des trucs que j'ai lu après, hein, je n'ai pas lu en direct, mais j'y ai vu cette vibe, le côté Kick-Ass que j'aime beaucoup. Les trois thèmes d'ailleurs, moi, personnellement j'aime les trois après. Je comprends qu'on accroche moins aux deux autres, mais. Le dernier un peu moins pour moi, mais les deux premiers j'ai vraiment aimé. Le dernier, un peu moins. Le côté. Ce qu'il a fait avec Civil War, ce qu'il a fait avec Mal Logan, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Mais je trouve que ces dernières années, avec ses choix de carrière, qui sont ses choix de carrière que je respecte, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est plus que l'ombre de lui-même, en tout cas en termes d'auteur de comics pur et dur, si on ne parle pas de gestionnaire, ce qu'il est un peu devenu. Donc je dirais aussi Mark Millar, dans le côté déception. Mark Millar, il est hyper doué en fait pour te faire des pitchs. Et c'est ça. Il est connu pour ça et reconnu aussi pour ça, pour avoir cette capacité à te pitcher des univers, à te faire des machins comme ça. Et à un moment donné, il a eu l'occasion de se faire énormément d'argent en faisant ça. Et donc, bah, il a joué la carte à fond. Et voilà. Mais après, tu vois, le Magic Order, j'ai vraiment aimé. C'est super sympa. C'est super court. T'attends peut-être 3 ans avant d'avoir éventuellement une suite. Non, c'est ça m'intéresse très pas. Court. C'est très court. Ça va vite. Hein. Ça m'intéresse pas. C'est pas ce type de lecture que j'ai à avoir. Si tu me vends un truc où tu commences à mettre en place un univers et que pendant 3 ans, en fait, t'as aucune sortie dessus, ça ne m'intéresse pas. Ouais. J'ai besoin d'être un petit peu alimenté, comme donner envie d'y revenir, etc. Oh oui, t'as besoin d'être alimenté. Hashtag barbecue. Quel enculé. Ah, il avait faim, pépère. Hein. Quelle indignité. Alors, on va être totalement transparent. Vas-y. Il m'a dit, avec les mots que t'as utilisés. Merci de nous avoir écoutés. Je pourrais déglinguer encore 2 brochettes et 1 côte de veau, mais j'ai un live à gérer. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Et franchement, il est fort quand même. Non, mais on a des priorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pourrais toujours aller bouffer froide ce soir. Et moi, je n'arrivais pas à finir mon pavé. Hein. C'est quand même c'est dire à quel point. Et pourtant, je suis un viandard. Mais... Putain, tu vois, j'aurais dû mettre le lien de la boucherie. magnifique boucherie halal. C'est nous. C'est excellent. Et non, vraiment, ils font de la viande de ouf. J'aurais dû mettre le lien, je te jure, en description, juste pour le fun, et que quelqu'un peut-être les appelle pour dire oui. Ah, il y en a un qui a des contacts en boucherie, je peux dire qu'il n'y aura plus. Ah oui. Non, mais excellent. On va passer à une autre phase qui m'intéresse énormément. Et là, c'est une phase inconnue, parce que je crois que tu ne m'en as pas parlé. Non, non, si. Ah, tu es au courant de tout. Non, je suis pas au courant. Et non, bon, on parlera un petit peu plus après, en fin d'émission, de l'aspect libraire, parce que j'ai jamais eu de libraire en fait ici, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vraiment, tu vas avoir 2-3 anecdotes, des expériences en fait, autour de ce métier. Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé sur YouTube, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es mis à, t'as ouvert ta chaîne. Comment c'est arrivé? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu cherches? Ben le but, c'est la YouTube Money, bien sûr. Écoute-moi bien, si tu touches 2 euros, c'est beau. Alors, YouTube, c'est un médium sur lequel je traînais beaucoup. Et je traîne toujours beaucoup en tant que spectateur dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je suivais. Et ce grand gaillard en fait partie. Putain, il a dit grand, il est pas dit gros. Il y a beaucoup de gens, que ce soit dans le chat, ici présent avec moi, ou avec qui j'ai tissé des liens très forts, que je suivais en étant spectateur. Et YouTube m'a permis de rencontrer ces gens-là. Et pour certains, c'est devenu des amis très proches. Donc il y a un côté très. Alors, vous avez vu, il tape au clavier avec ses 2 doigts. Moi, j'ai tous les coulis. C'est quelque chose qui. Parce que celui-là, il n'est pas libre. Alors, pour le podcast, il montrait son majeur, bien sûr. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne misais pas un copec dessus, en fait, quand je suis arrivé en tant qu'intervenant, si j'ose dire. Ah ouais, t'as commencé où en premier? Eh ben, l'un de mes parrains est dans le chat, chez Oz. On a commencé par des lives de 7 heures en mode podcast. Ah oui, c'est vrai, putain, pendant le confinement, parce que le confinement a beaucoup aidé, en effet, à cette transition-là, pour moi et pour beaucoup de gens. Oui, tu étais d'ailleurs dans les parages aussi, je m'en souviens. Donc il y avait Oz, il y avait Comics Gordon, il y avait le Beau Parleur, c'est mes 3 parrains sur YouTube, parce que c'est les 3 avec qui j'ai commencé. C'était la première phase YouTube, et ensuite j'étais venu un peu en mode pour discuter avec un mec que j'aimais bien sûr, qui était sincère, authentique, franc, qui n'hésitait pas à dire ce qu'il avait à dire, et c'est ce que je recherchais en fait à ce moment-là sur YouTube pour je sais pas trop pourquoi, mais sur le côté, bah, au moins ça me parle, c'est des gens qui, voilà, qui disent ce qu'ils ont à dire et qui s'en rendent des conventions. Et du coup, j'ai été amené à discuter avec ce mec parce que ce mec m'a invité sur son podcast. Et à partir de là, on a fait un live, on a fait deux lives, on a commencé à discuter en privé sur plein de sujets, on a commencé à se partager des trucs de nos vies privées respectives. Enfin, il y a vraiment eu ce côté où il y a eu ça. Et après, c'est là que ça a commencé à se splitter, en fait. C'est qu'il y a eu la partie avec Oz, et il y a eu la partie avec les autres, la partie ciné avec Beauparleur, où il m'a invité sur certains lives où j'ai pu parler de cinéma, de films que j'aimais bien, la partie peut-être plus Marvel avec Comics Guardian, qui faisait, c'est l'époque des premières séries Disney+, donc il y a eu ça. J'ai été, du coup, j'ai pu rencontrer Landry, qui est devenu un très bon ami. Ensuite, j'ai rencontré Eddie, qui est devenu un très bon ami. J'ai rencontré Seb, le Médiavore, qui est devenu un très bon ami. Plein d'autres gens que je ne vais pas citer parce que sinon on n'a pas fini, mais que j'adore. Et aujourd'hui, j'en suis à un point où YouTube, c'est un moyen pour moi de, bah, de vivre de ma passion sans que ce soit au boulot. Mmh. Parce qu'en l'occurrence, je ne peux pas le faire au boulot pour l'instant. Mais malgré tout, je garde ce côté où j'en parle de manière assidue sur ce que j'aime. Sur, c'est pour ça que je fais des anthologies. C'est un nom un peu cringe pour dire que voilà, je parle de... C'est mieux que... Bientôt sur la toile. je parle de sujets que j'aime, je parle de sujets très différents parce que je veux pas être cantonné à juste un fan de Spider-Man, ce que je suis, hein, ce que j'assume complètement. J'ai pas envie d'être cantonné aux fans de Hulk. Exactement, je pense qu'on a même, avec nos personnages respectifs, on a les mêmes problèmes. Donc, un peu comme toi quand tu fais des vidéos sur des romans que tu lis, moi j'aime bien parler de choses aussi. C'est pour ça que parfois je parle de jeux vidéo, je parle de. Voilà. Et alors à la base, je vais, évidemment, enfin, les gens me trollent avec ça, ils ont raison de le faire, mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu. En fait, il y a aucune planification de quoi que ce soit. C'est que moi, à la base, je voulais même pas être trop présent sur YouTube. Finalement, j'ai été invité à plein de lives parce que les gens sont super sympas et parce que je me suis plein d'amis. Tu penses que c'est ça, ouais, c'est juste que les gens, ils sont sympas? Ben oui, enfin, les gens sont super sympas, en fait. Enfin, ouais. Les gens sont, enfin, ils t'invitent et tout, enfin, on passe un moment, ils sont pas obligés de le faire. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de gens que tu as marqué et je pense pas qu'il y ait autant de jeux. Il n'y a pas d'autres personnes, en fait, à mon avis, qui fassent à ce point l'unanimité dans le petit milieu. Tu vois. Encore une fois, je te l'ai dit en off, je le redis, mais ça, c'est parce que on joue tous. Moi, c'est très authentique ce que je fais, mais il y a un côté où il y a des conventions sociales quand même. Il y a un côté où on sait se tenir ou on sait pas se tenir, bordel de merde. Ouais, c'est au-delà de ça. C'est juste que vraiment, t'as de la gentillesse, de la disponibilité. Tu rentres pas dans les histoires des uns et des autres. Tu sais faire la part des choses. Et à chaque fois, t'es tout le temps d'humeur égale à toi-même. Et t'es juste un mec super bien. Et donc, mon cher Anto, il y a énormément de gens qui t'apprécient et puis ils ont eu envie Je t'avais dit que j'ai de m'aider à faire un petit jeu. Alors, j'ai pas pu tous les avoir. Hey, ça va durer peut-être un petit moment. Il y a pas mal de gens qui ont voulu en fait t'envoyer un message. Sympathique. Et donc, mon cher ami, ce sera donc de lire ces différents messages et que tu essayes de deviner. Ah ben non, ça va être terrible parce que je me trouve. Qui te les envoie ? Oh, je ne pense pas. Si. Je pense pas. Il y en a malheureusement un qui est arrivé un tout petit peu trop tard puisqu'il est arrivé au moment où on mangeait, c'était le dernier. Et lui, je vais devoir te le lire parce que j'ai pas pu le préparer jusqu'à tard hier soir pour faire les miniatures. Et donc, je te le lirai celui-là. Je sais pas comment je vais faire parce que les réponses sont en même temps sur les mêmes trucs. Donc, je vais devoir. Ah, tu me lis toi, sinon. Ouais, je préfère que tu le lises. Les trucs vont s'afficher et voilà. Je suis désolé, je vais faire une petite gymnastique, c'est-à-dire que moi je vais tourner l'écran. Et donc à chaque fois, tu vas devoir essayer de retrouver qui même c'est très sympathique. Non, c'est pas très sympathique, ça me met mal, moi. Mais non, t'inquiète. Il y en a quoi ? Il y en a 10. Ça va, oh, ça va, putain. ça va. Mais t'es allé chercher qui ? Ah, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient. Alors, première anecdote. Ah, ça, je sais qui c'est. Alors là, je suis désolé, vous pouvez pas nous voir. Mais du coup, on a Anto qui est quand même relativement mort de rire. Est-ce que tu veux le lire ou tu veux que je le fasse ? Non, mais en fait, je sais déjà qui c'est. Mais bon, vas-y, lis-le. Alors, Anto, tu es une merde, mais genre une grosse merde. Mais tellement gentille que tu en deviens génial. Te souviens-tu du football lancé à 3h du matin dans les rues de Cerise ? Cyrus, c'était oui, voilà. Avec Eddie, quelle époque épatante, ou quand j'étais nu dans la baignoire, comme si j'étais un cadeau de Dieu. T'es vraiment un mec formidable et j'ai réellement de la chance de faire partie de ton entourage. Merci d'être toi. Post-scriptum, tout le monde sait que tu es le doublure officiel de Tom Hanks dans Forrest Gump. Ça, c'est la coupe. Je sais qui c'est, et c'est une crème, c'est un amour, c'est un mec génial. Oui. On a un petit groupe. Alors, attention, encore une fois, c'est pas parce qu'on a un petit groupe à 5 que je n'aime pas les autres. Hein, c'est juste que, avec le temps. C'est votre noyau. On a un noyau aussi. Mais j'ai des relations tout à fait équivalentes avec d'autres qui ne sont pas dans ce groupe. Hein, mais, et t'en fais partie d'ailleurs. Mais alors là, c'est Landry qui a fait ce message. C'est pas compliqué, c'est très simple parce que déjà, Anto, tu es une merde. Voilà, oh oui, en plus, le montage est parfait. Ils le voient, ça, les gens? Oui. Ah, très bien. Ils ne voient plus. Pas ceux qui écoutent le podcast, mais ils ne voient plus, nous. Ah, tu vois? Il a mis une petite photo à chaque fois, genre en mode message, presque lettre finalement, correspondance. Tout à fait. Pour les gens qui écoutent le podcast. Donc c'est Landry, ça fait partie de mes plus belles rencontres. C'est un ami très cher. Et pareil, YouTube, encore une fois. Enfin, tu te dis, mais YouTube, à quel moment te propose de rencontrer des gens comme ça, qui, pareil, ont de la disponibilité, sont drôles, sont pas dans le jugement, sont dans la simplicité, et surtout, ce que j'apprécie beaucoup dans mes relations, c'est l'humilité. Et forcément, ce mec-là coche toutes les cases et je l'aime vraiment sincèrement de tout mon cœur. C'est bon. Il s'est mis nu dans la baignoire et c'est pas une blague. Alors, pour la petite anecdote, pour le live des 5 ans... Ça, je pensais que c'était une connerie. Non, c'est pas une connerie. Vraiment. Pour le live des 5 ans du Mediavore, donc on était invité à Paris, en région parisienne, et ils avaient fait une petite surprise. À la base, Landry ne devait pas être là puisque... c'était le jour de mon anniversaire, mais il avait prétexté le fait qu'il allait à un match. C'était censé être mon cadeau, du coup, qu'il soit là. Et au dernier moment, il a décidé de se mettre nu dans la baignoire. Alors évidemment, il cachait ses parties, hein, on n'en était pas à ce niveau-là non plus. Mais du coup, ils m'ont fait une petite surprise, presque un jumpscare, dans le sens où Eddie m'a fait visiter le Airbnb, et il savait que Landry était dans la baignoire, et du coup, il a ouvert la porte, et j'ai vu, très caractéristique, j'ai même pas vu l'homme, j'ai vu le reflet des lunettes, qui du coup brillait dans la nuit, et j'ai vite le réflexe, j'ai refermé la porte. Voilà. Donc, en fait, alors, dit comme ça paraît incroyable, mais vraiment, je vous assure, c'est pas une blague, ça a vraiment eu lieu. Alors, tu vois, des anecdotes comme ça, il y en a des courtes, il y en a des petites, il y en a, c'est juste une phrase, comme celle-là, pour essayer de te faire deviner. Donc, on a celle-là. Hop, qui dit, j'aime beaucoup Anto, typiquement le gars que j'aurais intégré dans la rubrique geek, sans hésiter une seule seconde. Il y a plusieurs possibilités. Ouais. Il y a trois choix. Ouais. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de sobre, si tu veux, dans le phrasé. Ouais, dans le phrasé. Ok, c'est bon, je sais. C'est qui? C'est Dramoun. Non, c'est loupé. Ah, c'est loupé. C'est Spider-Man? C'est Spider-Man. Mais non. Si. C'est mon Spider-Man. Je le voyais pas aussi, comment dire, avec une narration aussi objective, entre guillemets. Ah, je voyais plus dans l'émotion, lui, bizarrement. pour vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le connaître. Ah, oui, non, mais je sais, mais justement. Quand il m'a envoyé ça, je lui ai dit, c'est ton texte. Il m'a vraiment dit, bah oui. Je dis, bon, je suis pas étonné. c'est tout à fait toi. Et ben, alors, Spider-Man, que malheureusement, finalement, j'ai pas beaucoup côtoyé en live. Finalement, on n'a pas fait beaucoup de live ensemble. On en a fait peut-être 4 ou 5, ce qui est très peu à mon échelle, du coup. Ouais. Parce que ben, ouais. Mais qui est une personne que j'apprécie beaucoup pour ses avis très éclairés sur les lectures qu'il a, sur la personnalité qu'il a aussi en live, sur les conneries qu'il envoie aussi à droite à gauche, parce que c'est pas le dernier. On a aussi notre petit groupe finalement qui est toujours actif sur Messenger. Donc que j'apprécie beaucoup, c'est peut-être partie des personnes que j'aimerais plus connaître, dont je sais très peu de choses. Ah, il est en train de faire un geste à la caméra pour le podcast en mode pas la peine, mais si, vraiment. Et j'espère qu'on sera amené à faire plus de live ensemble. C'est évidemment quelqu'un de très bon. Et en vrai, oui, je l'apprécie beaucoup et je suis beaucoup vos émissions sur Hulk, ouais. Forcément. Et je trouve que vous vous complétez très bien et on sent que vous avez, pardon, petit rototo, que vous avez des valeurs similaires, une façon de présenter les choses qui matche bien. Et toi, je sais que c'est quelque chose qui compte pour toi, c'est d'avoir aussi une réponse de quelqu'un quand tu fais un format avec quelqu'un, c'est d'avoir ce côté où il faut que ça matche aussi. Et pareil, du coup, je leur remercie énormément pour ce petit message et je te kiffe. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ah, tu sais quoi, je vais essayer de ne pas tourner l'écran, je vais plutôt faire comme ça, en espérant que... Là, du coup, tu ne vois pas si je fais ça, non ? Non. D'accord. On a fait celle-ci, on a fait celle-ci. Ah, celle-ci, je pense qu'elle va, elle va aller assez vite aussi. Ah bah oui, mais du coup, là, c'est bon, là, je sais. Tu es l'homme dont on voudrait être le spip. Alors, écoute, Vincent, bon, comment te dire ? Vas-y, tu peux afficher son affiche, tu peux afficher sa photo, évidemment. J'adore sa photo de profil, en plus. Ouais. Il a un côté tellement enjoué. Puis elle doit être super bien parce que ça fait 5 ans qu'il ne l'a pas changé. Donc, mais je préfère la version noir et blanc. Évidemment, vrai. Alors Vincent, c'est pareil que j'ai. Alors je sais peut-être un petit peu après toi, en même temps. Non, en même temps que toi, du coup, parce que je regardais les lives. Vincent, c'est particulier parce que du coup, c'est quelqu'un que j'ai connu indirectement au début. C'est-à-dire que c'est mon pote, enfin l'un de mes meilleurs amis, Aurélien, du coup, qui aime toujours beaucoup Vincent. Et qui me parlait beaucoup. Moi, il m'a dit moi. Beaucoup. Qui me parle beaucoup de lui. Enfin, qui me parlait beaucoup de lui à l'époque où, où il regardait les lives justement. Et il y avait vraiment cette connivence entre eux, qui est vraiment pour le coup. Enfin, je veux dire, les mecs se connaissaient pas, et ils avaient quasiment le même avis sur tout. Enfin, je trouvais ça incroyable. Et à chaque fois qu'il m'en parlait, je disais, attends, arrête-moi tout de suite. Enfin, arrête-moi si je me trompe. Si tu parles de Dramoun, parce qu'à l'époque, c'était Dramoun avant qu'il devienne Dramout. Et après, du coup, c'est devenu Vincent parce que après, j'ai eu l'occasion de faire des lives avec lui. Et Vincent, pareil, c'est une personne que... Enfin, je vais dire ça pour tout le monde, je pense, mais pareil, lui, il faut que je le voie, il faut que... Parce que je le trouve... Moi, je l'ai vu, j'étais déçu. Je le trouve diablement intéressant, il est hyper curieux, hyper ouvert d'esprit, il sait plein de choses. L'écouter, c'est vraiment un exercice très intéressant qui apporte beaucoup de choses parce qu'il a un avis... très argumenté sur ce qu'il dit et je trouve que c'est vraiment très très bien. Et à côté de ça, c'est une personne en or parce que ben il est drôle, il est disponible aussi, il a cette simplicité, il n'est pas là de prendre la tête pour des conneries. Ça c'est quelque chose que j'aime pas, tu vois, typiquement c'est quand on te fait des dramas parce que t'es pas là à tel moment machin. Non, voilà, là c'est, il fait partie de ces personnes qui a vraiment cette coolitude et je le kiffe. Et au-delà de ça, on a une passion commune et qu'on a découvert le jour où tu nous avais fait venir au CG et moi donc pour les Corona Geekry, la passion pour Spirou, qui n'était pas du tout prémédité, hein, parce que j'avais choisi Spirou un peu au dernier moment et j'ai découvert qu'il était très fan de Spirou et je me suis dit, t'es un mec génial en fait, il adore Tom et Jean-Yves. Hein. Et à cause de lui, j'ai lâché 50 balles dans le bouquin de Tom et Jean-Yves, voilà, donc évidemment, c'est une personne que j'adore. Alors, c'est pas que je regarde mon téléphone pour être pour être mal poli, mais la dernière, comme je te le disais, elle arrive un petit peu tard. Oui, et tu veux la faire maintenant? Ouais, et je vais la passer tout de suite. Et parce que sinon, après, je voudrais surtout pas oublier, et en plus, elle est bien. Œuvrer à la réhabilitation d'Uncharted 3 ou Batman Arkham Origin, nous considères-tu comme des lanceurs d'alerte? Point d'interrogation. Ne trouves-tu pas trop galvaudé le terme cagette ? Point d'interrogation. Avec le recul et la complète analyse filmique que tu as pu lui apporter, et en faisant bien sûr abstraction de la version totale que tu as pour l'acteur principal, ne penses-tu pas que Night and Day est un super film ? Je sais bien que non. Je le savais dès que tu as dit Uncharted, hein, de toute façon. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Uncharted, j'avais un doute, et quand tu as dit Batman Arkham, je savais. Voilà. Et la cagette. Ma cagette, évidemment. C'est quoi la cagette? Non, c'est un cajot, en fait. Il s'est trompé, mais c'est pas grave. C'est, c'est un détail. En fait, c'est parce que quand il faisait ses let's play sur Batman, ouais. Je sais même plus si c'est moi qui balançais ça ou lui, je sais plus. Mais en gros, il jouait comme un cajot, c'était l'expression. En fait, à chaque fois que j'arrivais sur un live, je disais, ah, le cajot. Voilà, du coup, c'est un peu resté. Je pensais qu'il allait mettre le mot tartasse, parce que je le charriais souvent avec ça. Genre, quand il a un coup de cœur, il a une tartasse. C'est quelqu'un que j'ai fait venir pour une anthologie. Sur Uncharted, justement, c'est évidemment Jules, voilà, que j'apprécie énormément aussi, que j'ai rencontré quasiment en même temps que toi, peut-être un peu après, avec qui on a fait des lives ensemble, puisqu'on a fait les tops des lectures de fin d'année, qui étaient hilarants à faire, et qui est célèbre pour son changement de barbe. En cours de route, puisque Jules s'est rasé entre les deux sessions de tournage, sauf que c'était pas emmerdé parce que c'était le réveillon, il avait collé les deux vidéos ensemble. Mais qu'est-ce que je fasse transition, qu'est-ce tu peux rien faire. Tu bosses pas chez Warner, tu peux pas rajouter une moustache en première prise, direct. Le mec il a une barbe comme ça, deuxième c'est prise, ça. Un cul de bébé. C'est ça. C'est vraiment rasé de près. Quoi. Ouais. Mais c'est un mec vraiment top, c'est un mec avec qui j'adore faire des projets. Alors il sait, et je lui ai déjà dit que je suis pas toujours dispo à 100% pour tous les projets parce que Jules a beaucoup de projets qui sont sur le long terme. Par contre, Là, en ce moment, on fait un truc que je kiffe bien, c'est les rubriques sur les épisodes de la série Spider-Man. Rubrique est une marque déposée. Hein. Tout comme discussion, d'ailleurs. J'ai hâte de reprendre, d'ailleurs, avec Eddie, on le fait tous les trois. Et Jules, je l'adore. Je le trouve pareil. Mais c'est souvent ce que je vais dire, mais encore une fois, si je m'entoure de ces gens-là, c'est parce que c'est des qualités que j'adore, mais c'est quelqu'un de très simple, quelqu'un de drôle, quelqu'un de... Qui vit dans l'instant en fait de ce qu'il évoque quand il évoque un comics, quand il évoque un film. Il a pareil des goûts très variés. Enfin, et on a beaucoup de points communs en termes de goût avec Jules aussi. Et c'est du coup Night and Death, référence à Tom Cruise. C'est un film qui m'avait bien vendu et au final que j'ai trouvé pas forcément ouf. Et il le sait, je lui en ai parlé, mais c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être celui que j'aime le moins de Tom Cruise, qui est avec Cameron Diaz aussi dedans. Mais je le charrie donc souvent avec. Et dès que je suis là, et ben j'essaie... dès que je peux être là, j'essaie d'être là. Et voilà, je l'adore aussi. Et... Pareil, Jules, ben, finalement, à la base, c'est le duo, donc Jules et Nico. Mm-hmm. Nico, avec qui j'ai quand même beaucoup moins discuté, parce qu'en termes de disponibilité, c'est vrai qu'on a peut-être plus de mal à le choper. Mais Jules, du coup, qui est peut-être un peu plus présent et avec qui j'ai plus discuté, mais juste parce que voilà, les deux, je sais que c'est des crèmes. Et je, voilà, j'adore participer au Saturday Night Geek Live, c'est toujours très compliqué à dire. Et voilà, je le kiffe aussi. Et je t'embrasse, merci pour ton message. Et on l'embrasse. Et je tourne la tête. Et franchement, il faut que ça s'arrête, parce que c'est interminable. Ah, il y en a deux, trois. Il y en a deux, trois. Alors, on va faire lesquels ? On va faire. Ouh ! Allez. Grâce à moi, tu n'oublieras jamais la nuit de tes 25 ans. Point numéro 2. On se rappellera toujours du moment où tu es devenu un gilet jaune. Point numéro 3, je ne sais pas comment le dire. Oh non, je ne sais pas. Ah bah je pense que ça se joue entre trois personnes. Là. Ah. La nuit, tu es 25 ans ? Ouais. Et a priori, tu es devenu gilet jaune. Nom de Dieu, vous verriez la bête qui vient de rentrer dans mon salon. Nom de Dieu. Ah ouais, c'est un gros morceau. Là. Si ce truc. Ah ouais, ouais. Oh là là. Je crois que c'est un frelon asiatique. Non, ça, je. Ouais, puis tu cherches la sortie, hein, du coup. Hein, puis tu viens voler au-dessus de nous. Parce qu'il y a une porte ouverte. On revient. Hein. Hop, elle est partie. Ouais, elle est partie. Désolé, on a pour les gens qui écoutent le podcast. Il y a un frelon qui est rentré. Ouais, quand il y a une espèce de deltaplane gros comme qui rentre dans ton salon. Si tu veux. Ouais. Là, c'est compliqué. Je vais peut-être me gourer. Allez, dis-moi. Parce qu'il y a trois possibilités. Vu que la quatrième est passée. La nuit, t'es 25 ans. Surtout que c'était mes 26. Donc, je vois typiquement bien quelqu'un qui pourrait faire cette gaffe-là. Le moment où je suis devenu gilet jaune. Je pense que c'est ça. Non, mais je sais qui c'est. Pour moi, c'est le Mediavor. Et ben, c'est gagné. Oui, voilà. Et en plus, il a mis « Oh non !» Donc, c'est ça. C'est son cri de ralliement, évidemment. Pour ceux qui le connaissent un peu. Seb, c'est... C'est Seb. Alors, j'ai cru que tu allais dire Seb, c'est bien. Je veux dire, Seb, c'est la personne qui m'intimidait le plus à la base quand je l'ai rencontré pour la première fois sur YouTube. Parce que, on en parlait un peu tout à l'heure aussi, mais il y a ce côté où les gens, parfois, sur YouTube, tu te donnes. Je regarde pas, d'accord. Tu te donnes une. Tu t'imagines une image. Et je m'étais imaginé une image pour Seb de quelqu'un de peut-être un peu fermé, qui avait des avis assez tranchés sur beaucoup de choses. Et au final, pas du tout. Au final, on a beaucoup discuté. Alors, on a un délire entre nous. Bon, c'est entre nous dans le groupe des cinq, c'est que c'est la faute de Landry, mais on a fait des tier listes d'affinités. Non, mais c'est Landry, c'est pas moi. Et genre, ce qui nous faisait marrer, et il le prend avec beaucoup d'humour, c'est que Seb était toujours dernier, parce que du coup, Seb, c'était quand même la personne avec qui je parlais le moins. Et il le sait, hein, je suis totalement transparent. Enfin, voilà, il n'y a pas de langue de bois. C'est juste que c'est quand même la personne avec laquelle j'avais le moins d'affinités à la base. Parce que pour des raisons du fait qu'on a été mis en relation par rapport à d'autres personnes, on est un peu tombé comme ça, et au final, ça a bien marché, on se parle quasiment tous les jours depuis un an et demi, on va dire à peu près. On a notre groupe qui fonctionne bien, on le charrie beaucoup, mais il sait que c'est avec beaucoup de. En tout cas, pour ma part, c'est avec beaucoup de second degré, et Seb c'est un amour sur beaucoup de points. C'est, je l'ai vu deux fois pour l'instant en vrai, et du coup c'était un vrai plaisir de faire le live des 5 ans, parce que c'est devenu une institution, c'est le live des 5 ans du Mediavor, donc de l'année dernière, qui nous a vraiment rapprochés tous les 5, vraiment voilà, c'est typiquement, ça fait partie des gens très proches de mon quotidien actuel, et je te remercie beaucoup pour ton message. et merci de t'être prêté au jeu. Voilà. Ça en fait du monde qui est proche, ça en fait. Alors, ça fait beaucoup de proches, ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, celle-là, écoute-moi bien, il faut que ce soit toi qui la lise. Parce que là, j'ai déjà galéré à la taper. Oh là là, c'est long ça. Oui. Après, je ne vois pas le début. YouTube s'étendant là à perte de vue. Des milliers de trésors sous l'écume, des millions de mystères sur la surface, et pourtant à la première marée basse, voilà qu'on y patauge de nouveau dans la fange salée. Ah, c'est bon, je crois savoir qui c'est. Celle des ordures laissées par l'homme au cours de ses voyages. Parfois sur ces eaux tumultueuses, à vouloir s'aventurer trop loin, on se perd, on dérive seul, abandonné à l'immensité du vide et au néant. C'est un message pour moi, c'est pas une coupure de presse. Certains se noient sous un déluge de commentaires absurdes et d'autres perdent leur nord au cours d'où débat stérile et sans fin. Et puis il y a ceux livrés à l'appétit insatiable des requins, dévorés vivants, victimes de prédateurs carnassiers loin des côtes, loin des rivages, loin de l'âme. J'aime beaucoup la métaphore maritime et c'est justement ce qui me met la puce à l'oreille. Ceux qui rejoignent le fond dans l'indifférence la plus totale, ceux dont on ne repérera jamais la chaloupe égarée et dont on ne retrouvera jamais l'épave. Dans cette traversée, Neptune se sera toujours montré indulgent avec mon petit chalutier remplissant mes filets et mes cales non pas d'or et de bijoux, mais de gens sincères et bien plus précieux. Apportée par les vagues du destin et les flots de la fortune, la vraie, celle qui ne se gaspille pas en rhum et en pute au premier port, l'amitié. Et me voilà la proue vers l'horizon avec un équipage de gaillards solides, sincères, et je l'espère éternel, dont toi, Anto, tu es le capitaine. Oh, putain. Va me chercher un... Ah, t'avais pris le sopalin pour ça, espèce d'enculé. Pas du tout. C'est pour cette raison que l'on aime cet océan et qu'il ne finira jamais de nous apporter des âmes exceptionnelles avec qui partager une bonne bière et un bon mérou grillé, ou dans ton cas, Anto, un bon barbecue et un coca light. Bise mon poteau. Et donc évidemment. Évidemment 11 comics. C'est oui. Bien évidemment, sûr. 11 comics. Ah oui, la capture d'écran. Et tiens, hein. Trouver sa gueule sur internet. Je viens de dire j'ai galéré. C'était 22h30, j'ai pris ce que j'ai. Et t'as bien fait parce que c'est le genre de vidéo qui reste pas sur sa chaîne. C'est vrai? Mmh. Ah bah tu vois. Là, tu fais des vidéos annonces, ouais. Et donc oui, c'est Oz. Alors Oz, c'est l'un de mes parents. C'est vraiment un mec extra, voilà. Mais comme tous, encore une fois, c'est très compliqué d'être original à chaque fois. Mais et puis alors là, son message m'a mis la puce à l'oreille direct, parce qu'en effet, la métaphore maritime, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le côté les univers océaniques. Il est récemment sorti du placard, hein, puisqu'il a avoué qu'Aquaman était son super-héros préféré, et je trouve ça très intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'aime cette personne-là, c'est que je trouve qu'il a des avis qui sont des avis marginaux, et pour autant, il les défend avec beaucoup de conviction. Et il arrive à transmettre des choses, des émotions, des idées que d'autres pourraient forcément ne pas forcément réussir à faire, au vu de la difficulté de défendre des personnages comme Aquaman, qui ne sont pas les plus connus. Pardon. Et je vais enlever mes coudes. Et du coup, j'ai découvert en lui un vrai compagnon de route, pour reprendre sa métaphore, et quelqu'un de très accessible, profondément humain, encore une fois, mais je me répète, mais lui, peut-être un peu plus, parce que c'est l'un de mes parrains, et que sans lui, je ne serais pas là à te parler devant plus de 50 personnes, voilà, tout simplement. Mais c'est aussi des qualités pour lesquelles j'aime YouTube, c'est aussi parce que j'ai rencontré ce genre de personne-là, qui n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, qui n'en a rien à foutre de savoir ce qu'il va donner comme image, ou si ce n'est pas son problème, il a bien raison de ne pas se faire chier avec ça, et qui m'a accueilli d'ailleurs avec beaucoup d'hospitalité, pour reprendre l'une de ses rubriques, chez lui l'année dernière, chez qui j'ai passé un week-end absolument dantesque, on s'est bien marré, on a bien discuté, on a fait plein de contenu, c'était très cool, et il m'a fait visiter un peu du coup sa ville de cœur, et c'est quelqu'un que j'aime énormément, et c'est vraiment le genre de personne que j'espère avoir à mes côtés le plus longtemps possible. Voilà. Au même titre que les quatre personnes qui m'entourent quotidiennement, que toi ou que d'autres, ou que sais-je, peut-être d'autres personnes qui restent encore à lire. Voilà. Donc frérot, je t'aime. Voilà. Toi aussi. Il reste deux, trois. Il reste deux, trois. Je vous aime tous. Vous êtes trop gentils. Tac. Tu veux le lire ou tu veux le lire? Vas-y. Bon, j'ai l'habitude de te vanner, mais aujourd'hui, je vais jouer franc jeu. Anto, t'es le mec qui respire la passion et qui sait la transmettre comme personne, mais surtout, tu es un liant. Tu fais évoluer chaque communauté et tu les lis entre elles. On rit en te qualifiant de squatter de live, mais la raison pour laquelle tu es autant invité, on le sait tous, tu les rends meilleurs. Je t'ai rencontré au détour d'un live de notre bon G, et bon sang qu'elle rencontre. Encore un joyeux anniversaire. Comment ça, c'est pas son anniversaire, mais pourquoi j'ai écrit ça? Plus compliqué. Au détour d'un live de notre bon G. Alors, si je peux dire... J'imaginais quelqu'un, en fait, sur les deux premiers paragraphes, mais du coup, c'est pas bon, parce qu'on ne s'est pas rencontré, on s'est rencontré bien avant. Je vais pas dire le nom, parce qu'on ne sait pas, ça se trouve, ça arrive après. Ah, mais si, je sais qui c'est. Vas-y. C'est le néophyte. Ouais, c'est lui. Bah oui, parce qu'on avait fait un live, bah oui, évidemment. C'est bien lu. Là aussi, hein, ah, oui, il y a l'air à trouver une photo. Néo, pareil, très très belle rencontre. En effet, sur un live de G, c'était un live à l'arrache de toute façon, c'était souvent ça. Il débutait. Moi, je devais peut-être avoir 3-4 mois au compteur. Et lui, il venait juste de lancer sa chaîne, ou alors c'était. Ouais, s'il venait de lancer sa première vidéo. Il y a pas longtemps, deux, trois vidéos. Ouais. Son premier plan culte, qui depuis est devenu tête dans le culte, qui depuis est devenu autre chose. Mais Néo, pareil, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer en vrai. Donc j'étais invité chez lui le temps d'une journée, on a passé une super journée avec le professeur Fox. T'as mieux mangé que chez moi ? Ah bah là honnêtement je peux le dire avec grande honnêteté, c'est pas lui qui avait cuisiné, donc j'ai mieux mangé ici que là-bas, parce qu'on s'était tapé un tacos au coin de la rue, mais c'était très très bien, puisque ce qui compte c'est les gens qui t'entourent et pas l'aspect que t'as dans l'assiette. Oui, bah quand même, on a mangé voilà, des choses bien. Par contre, en effet, c'est une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui a ce caractère qui n'est pas forcément un caractère avec lequel je suis très compatible, c'est-à-dire que lui est très dans le côté, comment dire, il va très vite aller, très facilement aller vers toi, il aime beaucoup créer aussi des relations, tu vois, il me considère comme un liant, mais je trouve que toi, pour le coup, tu es vraiment un liant dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de gens en relation, des gens qui n'ont pas forcément des liens entre eux, et t'aimes, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup être entouré aussi. Qui, lui ? Oui. Ah, ouais. Dans ce que je vois par rapport au fait qu'on fait une rubrique ensemble qui est une rubrique alors qui va revenir prochainement, de ce que j'ai compris. Moi, je pourrais pas être là pour la prochaine et je te dis que j'en étais désolé pour des raisons de planning, mais je sais qu'il aime bien s'entourer et du coup je suis d'autant plus touché que de faire partie des personnes avec qui il s'entoure. Et pareil, ben ouais, on a très très facilement échangé. Je trouve que voilà, il a ce côté très sociable, très à l'écoute. On s'est vraiment bien marré dans les émissions qu'on a enregistrées, il faut être très honnête. Et j'avais adoré le pilote. C'est un sacré client. Franchement, pareil, c'est une personne. Et son évolution, moi, elle me fait halluciner. Ah ouais. Parce que quand tu regardes premières vidéos, les premières fois où je l'avais en message, oh, je ferais bien des vidéos et tout, les premières vidéos, tout cool et tout. Et là, que tu regardes, l'énergumène, tous les matins, il est en mode, allez, c'est la matinée. Avec son café, bien sûr, parce que c'est le mec chaud. Sponsorisé par Carte Noire, bien sûr. Tout à fait. C'est le youtubeur café, c'est le youtubeur comics. C'est, il a créé son identité, il a réussi à le faire. Et comme tu dis, je trouve que son évolution a été vraiment fulgurante. Et je suis très content pour lui. Je suis très content qu'il ait réussi à... après maintes et maintes fois à trouver son identité parce que il avait eu des petits soucis début de chaîne par rapport au nom machin, enfin bref, ouais. Je me souviens, c'était une histoire pas forcément très cool, mais il a mis longtemps à chercher et il s'est trouvé, et je suis vraiment content d'avoir été à ses côtés pour assister à ça et pour l'avoir accompagné dans cette aventure, et enfin cette aventure qui va se poursuivre bien sûr, mais dans le sens où c'est vrai que maintenant je le vois avec le recul, en fait, très épanoui. Voilà, très épanoui, et je vois qu'il kiffe ce qu'il fait, et je te remercie beaucoup pour ton message, toi aussi, parce que c'est vrai qu'on se parle moins ces temps-ci, parce que pour des raisons tout simplement que j'ai du mal à jongler entre tout le monde, mais c'est pas pour autant que je t'oublie, et voilà, c'est pareil, c'est une très belle rencontre, et sur un tel live en plus. Donc, voilà. Donc, quelque part, c'est le parrain aussi de. Il y en a deux, trois. J'ai vu arriver. Pépé, il y en a vu arriver deux, trois. Quoi. Donc, je t'embrasse. Merci pour ton message. Et lui aussi. Hein. Mais ça m'a fait la même chose, tu vois, quand je l'ai rencontré. Oui, c'est une masse. Il est grand et puis il est stock. Putain, mais mec, la vache. Ah, on peut faire des soirées tranquilles avec les deux, là. Alors, depuis tout à l'heure, je ne vois pas les commentaires, du coup. Donc, oui, mais si je ne réponds pas, il ne faut pas le prendre mal. On les reprendra à la fin, ouais. Il y en a à peu près 34. Là, on est à fond. Vous êtes beaucoup sur le live, il y a eu des pics, vous êtes beaucoup. C'est pas pour moi, c'est sûr. Le meilleur d'entre nous. Ferme-la, en fait. Ferme-la, c'est pour nous deux. Il y en a plus que. Plus que deux. Ah, sinon, j'allais me paumer, je voulais surtout pas en oublier. Ah là. Alors. C'est bon, je sais. C'est bon, je sais. Après, bon, faut dire que j'attendais un peu quand même. Je serais malhonnête si je disais que j'attendais pas son message. Je t'expliquerai après. Ça a été plus long qu'un message. Alors, on va le faire, bien sûr. Je me permets de me rapprocher du micro, mais parce qu'en fait, cette phrase est à prononcer avec une intonation particulière. Mais je comprends pas. Voilà, les vrais sauront. Comment tu fais pour être aussi gentil, intelligent, beau et crédible tout en ayant une coque portefeuille sur ton téléphone? C'est vrai, et je l'assume complètement. Pourquoi je t'ai parlé de ton téléphone quand tu l'as montré tout à l'heure? Ouais, je comprends mieux maintenant. Mais je te l'ai dit en plus qu'on m'avait vanné dessus. Sache que je n'oublierai jamais la fois où tu es monté à bord du train de la mine, on en parlait tout à l'heure, et que je t'ai vu devenir bleu, violet, vert, comme l'aiguille de lanterne. Ouais. Ça, c'est moi qui les rajoute. Un des plus grands fous rires de ma vie. Attention à ce que tu fais, je te surveille, toi et les autres. On me surnomme le fouille merde, mais après tout, l'information, c'est ma passion. The Comics Guardian, on peut se le dire bien tranquille. Quelle pute. Mais quelle pute. Alors, pour les gens du podcast, il a mis une photo particulière de Comics Guardian avec crise-dents et grince-dents au premier plan sur sa photo de profil. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un tacle à la jugulaire, hein, bien sûr. Non, parce que je l'ai mis au courant. Oui, oui. Je l'ai mis au courant. Mais t'aurais pu ne pas le mettre au courant, il aurait rigolé quand même. Juste pour la petite anecdote, j'ai vu Thor 4, j'ai trouvé ça affligeant. Et quand j'ai vu arriver les deux grince-dents et casse-couilles, je ne sais même plus leur nom. Et que j'ai vu ce running gag, c'est le seul moment où j'ai rigolé, mais j'ai pas rigolé en voyant ça, j'ai rigolé en pensant à lui et je me suis imaginé le voir dans son fauteuil, mais atterré tellement on était en train de souiller son tort et ça m'a fait mourir de rire. Il prenait des notes à ce moment-là en plus. C'est vrai. C'est très compliqué. Alors, Comics Guardian, je vais pas l'appeler par son prénom puisque ça reste un secret. Mais même si les plus attentifs d'entre vous ont deviné, vu les gaffes de certains, n'est-ce pas Seb? C'est un de mes parrains. Donc, je vais faire un petit peu plus long peut-être. C'est une personne que je trouve formidable. J'ai encore eu l'occasion de lui en parler au téléphone récemment. Je trouve qu'il a une manière de gérer sa vie personnelle et professionnelle que je trouve vraiment fantastique. Il a ce côté où il y a toujours un esprit très froid, très rempli de recul. Et pour autant, il gère des situations qui ne sont pas toujours faciles. Et je trouve qu'il a une évolution de vie, pour le connaître du coup dans le privé, qui est vraiment, vraiment top et qui, pour moi, qui mérite vraiment. Voilà. Et ça fait partie de mes plus belles rencontres, évidemment. Je sais qu'il n'est jamais lui aussi trop à l'aise avec ce genre de compliments. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue, qui ne va pas chercher à... qui ne va pas chercher le compliment, qui ne va pas chercher le côté remerciement. Mais il le mérite vraiment et je veux lui dire aussi. Pareil, j'ai été chez lui, enfin chez son épouse et chez lui. Il a eu la grande gentillesse de m'accueillir. On a passé des moments incroyables. On a vécu la vie de couloir pendant une soirée du coup avec Eddie, avec Seb et avec Landry. Que je ne conseille à personne. C'est une personne qui m'a donné ma chance aussi. C'est-à-dire que sur l'autre partie YouTube, là, il y a eu la partie avec Oz, il y a eu la partie avec Beauparleur, il y a eu la partie avec Comics Guardian, du coup mes trois parrains, qui m'a permis de rencontrer des personnes formidables, qui a été d'une gentillesse et d'une attention qui n'était pas nécessaire de mettre en place et qu'il a voulu quand même mettre en place. Et il a vu en moi quelque chose qui visiblement lui plaisait et je pourrais que lui en être reconnaissant. Et je le kiffe, c'est un frérot, c'est une personne. Qui compte beaucoup pour moi et je souhaite que ça dure le plus longtemps possible et j'espère qu'on se reverra encore plus et que je sais que c'est pas simple parce que lui il est en région parisienne donc comme Seb d'ailleurs donc c'est ça que c'est et puis comme Landry donc c'est trois personnes que j'ai du mal à voir. J'aurais peut-être plus de facilité à voir Eddie par exemple qui est géographiquement plus proche de moi donc je sais que eux souvent ils sont surtout Seb il est parfois, je sais qu'il le prend peut-être un peu à cœur le fait que je ne puisse pas me déplacer, mais il le sait que ce n'est pas contre lui ou quoi, c'est juste que géographiquement, c'est compliqué, puis c'est cher. Et du coup, voilà, CG, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'adore, et il a fait plein de choses pour moi, il n'était pas obligé de les faire, et je le kiffe. En effet, c'est un fouille-merde, mais c'est un fouille-merde au grand cœur, et qui reste fidèle à ses principes, et allez lui donner de la force sur TikTok, bien sûr, voilà. Je comprends pas, c'est comme le home, en fait. C'est une phrase qu'il avait trouvée pour mais oui, sur TikTok, voilà. Mais oui. Il cherchait une phrase, une catchphrase un peu. Et en fait, Landry avait remarqué que, mais je comprends pas, il insistait toujours sur la fin de la phrase, mais sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est vite devenu des mèmes entre nous. Enfin, voilà. Donc, pour le côté private joke. Voilà. Désolé, il y aura peut-être des gens qui seront complètement perdus avec toutes ces private jokes, toutes ces anecdotes, mais c'est important, au vu des messages qui me sont laissés, que je revienne sur. Dessus et que je les remercie tout simplement. Et gros bosseur. Énorme gros, bosseur. Gros bosseur. Énorme bosseur. Et toujours hyper disponible. Mmh. Et donc, du coup, pour réunir, alors, il y en a quelques-uns que j'ai fait moi de mon côté, mais la quasi-totalité en fait de tous ces messages-là, je l'ai contacté hier après-midi. En termes de deadline, on ne peut pas faire plus dégueulasse. Et tu as réussi à en avoir autant, mais c'est impressionnant. Et c'est lui qui a tout géré. Donc, en plus de tout ce qu'il avait à côté pour contacter machin, contacter truc, contacter machin, revoir les messages, me les envoyer à moi et jusqu'à tout à l'heure. Voilà. Donc, ça a été jusqu'à hier soir, tard, jusqu'à tout à l'heure. Il a plus que géré et voilà. Et comme d'hab, en fait, dès que tu lui proposes un truc, bah, il est toujours partant. Toujours. À part si tu proposes de la merde, tu te doutes bien, copain, à un moment donné, faut lui proposer peut-être des trucs un peu. Il est même venu à une Watch Party sur Thor Ragnarok, hein, c'est dire à quel point il nous kiffe. Hein. Donc, mais voilà. Et c'est quelqu'un de très très bien et ça m'a fait extrêmement plaisir bah, qui me donne un coup de main sur ça. Merci. Je t'embrasse énormément et c'est le plus dangereux de la bande, j'arrête pas de lui dire. Oui. C'est celui qui a le bras le plus long, en tout cas. Ouais. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Une petite dernière. Bah, je veux même pas regarder parce que. Alors, c'est peut-être présomptueux de ma part. Hein. Mais bon. Je pense savoir qui c'est. Sans avoir vu le message. Vas-y. Parce qu'il. Bah, y en a un qui est toujours pas apparu et je pense que tu lui as demandé en vrai. Vas-y. Non, je vais rien dire parce que ça se trouve, c'est pas ça, j'ai passé pour un gros con. Je vais lire le message. Non, c'est bon. Non, ouais, c'est ça. C'était bien ça. Serial, nique ta mère. Voilà, pour le podcast, évidemment, je mime le serial vlogger qui se fait passer pour un mec qui pète plus haut que son cul. Donc, c'est évidemment pas le cas. Faire un foot avec toi à 4h du mat à 1000 bornes de chez moi et te voir pour te prendre pour Rafael Guerrero, qui est l'un des seuls footballeurs que je connais au passage, et l'un des trucs les plus étranges et drôles de ces dernières années. Ça te dérange si je viens à l'improviste? T'as mangé, moi j'ai pas mangé, tu peux j'ai pas le compte. Alors là, c'est un déluge de private joke, je suis désolé, vraiment. Mais évidemment, c'est le serial vlogger, c'est Eddie, c'est le frérot, c'est le sang de la veine, c'est. C'est un mec en or, c'est un mec incroyable, c'est un mec d'une bonté légendaire, c'est un mec qui a fait des bornes et des bornes pour venir me voir chez moi, pour qu'on aille voir Top Gun, enfin. J'ai énormément de souvenirs avec lui, je l'ai souvent au téléphone, moi en ce moment parce que professionnellement parlant c'est compliqué pour lui, mais sinon en général on essaie de savoir une fois par jour. Je ne saurais comment décrire la relation que j'ai avec ce bonhomme barbu et sa moustache aussi caractéristique, et il comprendra la référence, et je le kiffe énormément lui aussi. C'est, voilà, c'est Club des 5, hein, donc c'est la média team. Ceux qui n'aiment pas ça, mais je le dis. C'est, voilà, c'est The Serial Vlogger Eddie, anciennement Cinédi. C'est quelqu'un que je connaissais, donc pas pareil, que j'ai appris à connaître grâce à. Enfin, en tout cas, de visu, grâce à Comics Guardian, mais que je voyais déjà traîner dans les chats de Oz, du Mediavore et tout. Enfin, en tout cas, quand j'ai connu Seb. Et c'est devenu une personne avec qui je me suis vraiment rapproché. On a des goûts très similaires sur beaucoup de choses. On a une façon de voir la vie qui est. Pour le coup aussi, match vraiment bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens de sa famille qui sont tous aussi adorables les uns que les autres. Je trouve qu'il y a une sincérité qui se dégage de ce bonhomme qui est vraiment, toi je pense que probablement on aime ressortir là-dessus, mais qui est vraiment très prégnante, très très palpable. Et le nombre de délires qu'on a ensemble, le nombre de phrases qu'on s'envoie par jour, le nombre de messages, le nombre de... Je lui ai dit, c'est un mec super. Je suis presque content que tu finisses par lui. Alors, non pas qu'il y ait une préférence, attention, même s'il y a une préférence dans la média team, comme je disais tout à l'heure, c'est une blague. Mais je suis content que tu finisses par lui parce que c'est quand même la personne avec qui je parle le plus, malgré tout, ces derniers temps, qui est très à l'écoute, qui m'écoute quand j'ai des soucis, qui n'est pas obligé de le faire, et qui n'a pas forcément le temps de le faire, mais il le fait quand même, et je trouve que c'est juste incroyable. Et voilà, il m'a fait des surprises incroyables et je veux que ça dure le plus longtemps possible parce que ces gens-là, c'est devenu des amis avec un grand A. On dit souvent qu'on n'a pas beaucoup d'amis et en vrai, j'en ai pas énormément des amis, mais c'est vrai que les messages que tu as cités là m'ont vraiment touché au cœur et je te remercie pour cette surprise. Et puis je remercie CG pour la réelle, Enfin voilà, ça me touche vraiment et c'était pas nécessaire. J'aime pas les surprises. Mais si, pour quelqu'un qui aime pas les surprises, je veux quand même dire que le mec, il arrive chez moi. Il aime pas les surprises, mais il arrive chez moi et il m'offre une intégrale Spider-Man. pas ça. Et un comics comme ça. Donc, il aime pas les surprises, mais il en fait. Et donc, bah, vu qu'il en fait, faut lui en faire aussi, tu vois, des surprises. Et ça, moi, tu vois, j'ai pas fait un petit message, mais à l'intérieur, tu auras un petit mot qui sera pour toi. Ça me fait plaisir. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Ok. C'est le portfolio de tes nuits un peu. Pas sûr. Je crois savoir ce que c'est. Moi aussi, je crois savoir ce que c'est. C'est pour ça que je ne devais pas regarder la bibliothèque. Voilà, je t'en prie, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour le podcast, il vient de me filer un paquet qui contient des substances illicites, bien sûr. La média, quoi. Oh oui. Ouvre-la. Là, en live. Mais ouais, au moins, tu liras. Attention au bruit du papier pour tu liras le petit mot. Je suis nettement moins poète que la média team. Oh là là là. Il l'a fait, ce con. Il l'a fait. J'essaye de remonter un tout petit peu les messages. Je me demande. Voilà. Vous vouliez votre réponse, vous l'avez, Daredevil End of Days, le cadeau des rubriques de G. Bah, écoute. Pour la petite histoire, je suis une merde. Qu'on soit très clair. Si, parce que. Non, c'est pas vrai. Ok, j'ai ouvert le truc, je vais le refermer parce que ça va passer moins de 18. Lis-le. Je lis pas en live. Non, comme tu veux. J'arrêtais pas de l'emmerder en fait avec ça parce qu'il n'avait pas ce comics-là. Et moi, en fait, je l'avais dans ma collection. Et je l'aime beaucoup, mais c'est pas non plus le meilleur truc que j'ai pu avoir, tu vois, sur Dédé. Et je sais qu'il a. Dédé, le mec du bar, hein, Dédé d'Ardeville. Et je sais que ce truc est hyper difficile à trouver en fait en deluxe, ça finira par ressortir un moment ou un autre, mais ça me faisait plaisir que tu l'aies dans ta collection. Donc ça, c'est moi, encore une fois, les cadeaux symboliques comme ça, j'attache beaucoup de valeur et ça me touche énormément, surtout quand c'est un comics en plus. Là, voilà. Avec le petit mot qui va bien, et évidemment, ceux qui savent, ceux à qui j'ai déjà envoyé des trucs, savent quelles sont mes dédicaces. Je fais tout le temps des zizi. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et je pas dans le bouquin. Non, on respecte les artistes quand même. Mais pas des sauvages. C'est Bendis, donc bon. C'est le moment du release the Hanto Channel. Non, par contre, faut qu'on arrête de se palucher là depuis tout à l'heure. C'est extrêmement gênant. Un peu, ouais, mais c'était le. Alors, ça a pris pas mal de temps, mais je trouvais que c'était quand même important parce que t'as. Enfin voilà, c'est un truc qu'on dit souvent, mais qui est vrai. C'est vrai que t'as cette faculté à réunir autour de toi des gens d'horizons qui peuvent être vraiment, vraiment différents, souvent très complémentaires, et à chaque fois, eh ben, le dénominateur commun, eh ben, c'est toi. Voilà. Et c'est pas pour rien, c'est parce que bah, t'es un super mec. Voilà. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Je quitte, j'en ai marre. Là, ça me fait... Mais vraiment, je sais qu'on dit ça souvent en mode... Voilà, mais là, ça me fait beaucoup trop... Hein. On a un G qui dit « Bonsoir messieurs ». Donc là, on réagit un petit peu à tous les messages qu'il y avait pendant qu'on faisait les différents messages. Landry le boss, Landry le goat, Love, salut le chat, Landry, quel ange. Un G qui nous dit « Ah oui, Very Bad Trip 1, mais à Paris, quoi. » Ah oui, c'était ça, complètement. Le reflet des lunettes colonisation. Ah, mais Landry, de base, est iconique, mais alors là, il est encore plus iconique. Voilà. La question flash. Dramoun, c'est son dead mail. Salut, JC. Salut, JC. Excuse-moi, putain, je ne l'avais pas vu. Et merci, Benny P. On se revoit à la rediffusion. Génial comme concept de G. Le bas de frelon. Oh, un truc. Non, mais. Sans mentir. L'avant-bras. Hein. Un avant-bras. Voilà. Un truc pour ressortir. Il nous a demandé son chemin tellement il était gros. Incroyable. Et la censure d'Ipèche. Une petite pause. Cédric. Salut Cédric. J'espère que tu vas bien. C'est beau, ce comics. C'est une émission de Drucker ou bien. Me dis donc, Kit. Bah, un peu, peut-être. Je crois qu'on a. Ah oh, oui, on dirait une émission de Patrick Sébastien. Sabatier. Ah oui, Sabatier, oui, parce que j'ai eu peur. Sabatier, ok, ça va. C'est bon. On a juste pris 70 ans dans la gueule, mais ça va. Il est encore vivant, Sabatier. Oui. Ouais, si. Il donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Néophile, ça m'a fait penser à Georges Clooney pour Nespresso quand il parle de café. Oui, tout à fait. Vous aimez le chien. Mais salut, vous transférez la bonté à la gentillesse, les gars. C'est gentil. Très gentil de ta part. Gros soutien de la part de Deviant Prod. J'ai pas pu demander à tout le monde. Je sais que j'aurais pu demander à Deviant. Tu rigoles, mais. Mais à un moment donné, on aurait fait trois heures sur les trucs. J'ai pas besoin de ça pour savoir que c'est des mecs incroyables. C'est, voilà. Landry, la média quoi. Mais il aime pas. Il faut pas lui dire la média team, il aime pas. Les rubriques de G en mode Patrick Sabatier, ça le fait en fait. Eh ben écoute, j'aurais dit Jean-Pierre Foucault éventuellement en mode sacrée soirée. Quelqu'un est derrière. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et maintenant, une pause musicale avec Nicole Croisi. Oh là, vous avez des rêves que j'ai pas, moi. Ah, c'est très, très vieux. Nicole Croisi. Bah après, Sofiane, il aime bien ça passer plus vieux qu'il est déjà. Il a que 27 ans, donc bon. Je crois, mon cher ami, qu'on a fait déjà une bonne partie du truc, mais j'avais envie de revenir un petit peu. C'est un peu dur hein, comme transition. C'est abrupt. Hein. Mais sur le côté libraire, parce que bah, j'ai jamais pu vraiment discuter avec un libraire de cœur. Et je trouve que c'est un métier qui. Aussi. Parce que c'est beaucoup de. Il voilà, faut beaucoup passer sur le mur. Quelle indignité. Ou toi, ta carrière, ça a un peu duré longtemps. Hein. Et je vais terminer avant d'avoir commencé. Déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partir en fait, là-dedans? Et qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait, dans ce métier? En fait, j'étais un peu comme tout le monde. Je me cherchais un boulot quand j'étais à la fac, quand j'étais même au lycée. Hein, je cherchais une vocation. Une vocation. Quand tu sors du collège, du lycée, il y a souvent la question de l'orientation. Et moi, j'ai beaucoup cherché. Et à l'heure actuelle, je me cherche encore sur pas mal de points. Mais malgré tout, la librairie restera quand même une vocation très forte. Mais voilà, à l'époque, je ne savais pas trop. Et à la base, je voulais partir dans une carrière de journaliste. Pour le côté organisé, le côté rédactionnel que moi j'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, qui aime beaucoup corriger, qui aime beaucoup. Enfin voilà, ça il est. Tu tapes avec tous tes doigts, toi. Je tape avec tous mes doigts et sur le clavier hein, pour les gens du podcast. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je m'étais parti dans une filière un peu plus théorique, on va dire là-dessus. Au final, je suis tombé dans une licence de lettres et après j'ai fait un master métier du livre. J'ai l'impression de faire un entretien, c'est terrible. C'est très bien que tu squattes l'écran. Votre profil nous intéresse. Votre profil nous intéresse, bien sûr. Et du coup, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est le livre et que j'étais passionné de BD, donc pourquoi pas s'orienter vers ce milieu-là, qui est un milieu très fermé, ouais. Très compliqué à accéder, mais j'ai eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit, sur la plupart de mes opportunités de travail. Et j'ai fini par devenir libraire pendant plusieurs années. C'était un boulot incroyable. C'est un boulot incroyable pour peu qu'on fasse quelques concessions quand même sur le fait que ça reste un boulot aussi lié au commerce. Donc, il y a des contraintes qui sont toutes trouvées par rapport à cette branche-là. Et alors, je suis parti après pour des raisons que j'évoquerai pas ici parce que c'est pas le but, mais. Je n'ai pas quitté la vocation pour autant, je n'ai pas quitté la confrérie, la corporation pour citer CG pour autant, puisque je rêve d'ouvrir mon propre truc à moi ou avec un ami très proche, et pareil, un ami IRL qui était un ancien collègue de là où je travaillais, que je kiffe, que je salue si jamais il regarde ce live, parce que je sais qu'il te suit un peu. Ou alors, potentiellement, de travailler, continuer à être salarié dans une boutique, mais une boutique que j'aimerais être vraiment à taille humaine, avec un côté où. Finalement, le côté tout reste à faire me fait pas peur. Je lance un message du coup si vous êtes libraire et que vous avez besoin de main d'œuvre. Mais je cherche une structure à taille humaine qui valorise le livre et qui ne perde pas le focus de la BD. C'est-à-dire qu'il faut que le livre reste au centre du truc. Et je rêve de travailler dans une structure comme ça, quitte à pas faire des milliers de cents, mais au final c'est un boulot de vocation, donc je sais ce qui m'attend. Donc je suis très précautionné par rapport à ce que je dis parce que je peux vite dériver dans le très privé vu que c'est un discours que je tiens beaucoup en ce moment. Je suis tombé un peu là-dedans et c'était de très belles années. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des clients qui sont devenus des amis aussi. C'est un boulot très porté sur le relationnel. Du coup, il faut avoir forcément un peu de tchatch, un peu de contact avec les gens, être à l'écoute, et je sais que c'est quelque chose qui me caractérise pour le coup. J'aime vraiment écouter ce que me disent les gens et j'aime vraiment faire au mieux pour leur rendre service quand je peux, et c'est le principe de ce boulot là donc je m'y retrouvais beaucoup et je m'y retrouve d'ailleurs toujours beaucoup, et ce n'est qu'un au revoir comme on dit, mais un au revoir qui sera peut-être conclu bientôt, puisque j'aimerais beaucoup y remettre un pied prochainement, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question plus ou moins? Tout à fait. Mais blague mise à part, on ne sait jamais si un libraire qui avait envie de s'attacher les services de ce grand gaillard. Le grand gaillard, le fameux. Voilà. Non, mais c'est... je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est... T'es libraire, quoi. Enfin, tu vois, ah oui, mais une fois que tu l'aimes, ouais, ça reste. C'est vraiment ta vocation. C'est un métier de vocation. C'est comme... écrivain, dessinateur, scénariste... Tous les métiers liés à l'art, finalement, c'est quelque chose qui te reste après. C'est quoi les conseils dont tu es le plus fier? Conseils dont je suis le plus fier, c'est compliqué. Je ne saurais pas t'en citer un précisément, mais je dirais que la situation de laquelle je suis le plus fier, c'est quand une personne revient en me disant qu'elle a lu ce que je lui avais conseillé et qu'elle adorait. Ça, c'est balèze. C'est pas toujours que ça arrive, hein. Faut être honnête, faut avoir la peau dure d'ailleurs à ce niveau-là. Parce que... Est-ce que c'est un truc que tu retrouves sur YouTube quand tu fais des conseils lecture? Ah bah j'adore. Quand quelqu'un vient me dire qu'il a lu tel truc parce que j'ai conseillé, moi je suis le plus heureux des hommes. Parce que bah, c'est, bon, encore une fois, c'est ma vocation, c'est mon truc. Donc, Et est-ce que tu aimes essayer de convaincre? Concrètement parlant, je sais pas si j'aime le faire, par contre je sais que je peux le faire sans m'en rendre compte. Parce que c'est une seconde nature, forcément. C'est une déformation professionnelle. Donc quand je parle d'un titre que j'aime bien, en général, je vais être très amélioratif. Donc après, la réception dépend de la personne. Moi, je sais que je peux être très bon conseiller, mais pas forcément toujours très bon receveur, parce que j'ai des attentes très précises sur ce que je lis. Voilà, donc je suis un vieux con, on peut se dire très très gentiment. 25 ans. Mais dans le sens où, par contre, j'aime bien conseiller, et j'aime bien le faire, et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu t'effaces derrière ce que tu conseilles. C'est pas moi en tant qu'individu qui te conseille, c'est moi en tant que lecteur. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et alors là, j'aimerais trouver une situation particulière. Et c'est des trucs que tu retrouves un peu ouais, sur YouTube? Ouais, complètement. Bah en fait, le meilleur moment, c'est quand on dit que le conseil a plu et quand on tisse des liens avec la personne. C'est-à-dire que quand la personne devient plus qu'un simple client, et que ça devient un ami ou une connaissance, ou voilà, quelqu'un avec qui je vais revoir avec plaisir, et ça le fait aussi sur YouTube d'ailleurs. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés grâce au live, notamment voilà, pour ça, et alors qu'on faisait des live comics à la base, on parlait de perso qu'on aimait, chez Oz notamment. Donc, clairement. Parce que moi, tu vois, typiquement, c'est un truc que j'aime tout particulièrement dans l'idée de parler de lecture tranquille, tu vois. C'est pour ça que je te kiffe aussi. Parce que avec peut-être une plus grande liberté, parce que du coup je parle que d'un truc en fait qui me plaît sans qu'on vienne me demander mon avis, ce qui est génial en fait. C'est tu sors une vidéo, personne t'a rien demandé et tu donnes quand même ton avis, ce qui est plutôt cool. Et t'as pas de contraintes? Non, aucune. Enfin après il y en a qui s'en mettent des contraintes, mais moi je sais que par exemple par rapport à mon boulot. Enfin si, j'ai une seule contrainte. Laquelle? Ne pas mentir. Ah oui, mais ne pas dire de conneries. C'est une seconde nature. Pas nécessairement, tu sais. Ça peut être une seconde nature pour pas mal de gens, mais du moment où tu commences un petit peu à faire des reviews sur les bouquins, des contraintes, sans même t'en rendre compte, sans même qu'elles aient forcément un nom, une figure, tu arrives à t'en mettre. Du moment où tu vas pas oser dire quelque chose sur un bouquin, ne pas oser dire pleinement ton avis de peur de froisser un éditeur ou ce genre de choses, sans même forcément t'en rendre compte, tu vas te mettre des contraintes. Quand tu vas vouloir ne pas dire totalement en fait le fond de ton pensée pour essayer peut-être de plaire, c'est des contraintes. Ouais. Je pense qu'il faut y penser avant à ça, avant de faire ta review. Mais une fois que tu commences à la faire, en fait, il faut être honnête à 100%. Sinon, ouais. je suis pas du tout embêté en fait pour expliquer à un éditeur que j'ai pas aimé son bouquin. Il le prend comme il le veut. C'est pas le problème, en essayant, tu vois, d'argumenter. Pas tout aimer, de toute façon. C'est impossible. En sachant que c'est jamais qu'un avis, mais par contre, je ne supporterai pas de mentir et de truquer mes avis vis-à-vis des gens qui me font l'amitié, en fait, de me suivre. Ça, vraiment, c'est, je trouve, hyper important. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Après. C'est des choses que je défends aussi. Et c'est des trucs, tu vois, que je retrouve aussi, justement, en librairie. Ouais. Tu vois, t'as des gens vont te dire, ah putain, ça, c'est bien. Dire, ah, laisse tomber. Ah, moi, là-dessus, je suis comme ça aussi. Et c'est pour ça que les gens me... Enfin, je le dis ça, c'est pas parce que je le pense, c'est parce qu'on me l'a dit, mais c'est pour ça que pas mal de gens aimaient venir vers moi, c'est parce que je jouais franc jeu, en fait. C'est le principe du truc, c'est de ces jeux, si tu joues pas franc jeu... Pardon, j'ai tapé dans la table. Si tu joues pas franc jeu, tu perds la confiance de la personne qui est en face de toi. Parce que vraiment, il va bien se rendre compte que ce qu'il dit, c'est de la merde. Parce qu'il y a des trucs de merde qui font dire. C'est pas bien aussi. Ils ont du mal à se rendre compte. Et moi, je pense à des trucs très précis de mon expérience. Mais voilà, quand on me demande si, je peux encore le taper dessus, mais si le grand terme de Morrison, il est bien, frérot, je vais pas te dire que c'est exceptionnel. Enfin, voilà, et... Ça va être difficile. Bon, ce qui veut pas dire que certaines personnes ne peuvent l'aimer, c'est pas le problème. Oui, mais moi, je précise toujours de mon avis à moi, en tant que humble libraire qui partage son avis. Fuis. C'est ça, tu vois, tu as dit exactement le mot. Je pense que dans les avis en fait, qu'on donne, il faut beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de sincérité. Oui, et j'essaie de l'être là-dessus. Surtout quand il y a un côté transaction en jeu. tu peux pas forcer, enfin forcément, il n'y a pas de force. Ah mais... bah je vois bien quand j'arrive à débuler des hommes. Ouais. Mon projet vacances. Bon salut d'ailleurs au passage. Oui, excellent février de Saint-Etienne, évidemment. Bonne sieste à toi, Poto. Merci encore pour ton message. Je te souhaite un ange. Je vous remercierai à tous. Son message, un message. Écoute, je l'ai calmé. Il a commencé par oui, sa chapitre lettre. 1. Sa lettre. Non, non. Je lui dis, ose, tu commences par chapitre 1, c'est pas possible. Non, c'est vrai, vrai. Non, t'es malade. Ah, mais, je sais qu'il a plus. Mais quand je l'ai vu arriver, incroyable. Il savait pas que j'allais tout devoir écrire. J'ai fait, c'est bien, mais c'est long. C'est incroyable ce qu'il a marqué comme truc. Et c'est un déjà, tiens, on peut lâcher un petit scoop. Demain, je tourne un truc avec Oz. Demain dimanche. Demain dimanche. Parce que du coup, il y aura un décalage par rapport au podcast. Tout à fait. Ah, t'as vu, hein? Et il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon, le con. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager un double temps d'émission. On vous en dira plus quand ça sortira. Et voilà. Parce que c'est un mec, bah, comme il a dit, de toute façon, c'est un mec bien, un passionné, un véritable. Ouais, j'aime vraiment, beaucoup. Vraiment, vraiment. Si je voulais te poser quand même une dernière question parce que ça me semble hyper important à propos de ta chaîne, est-ce qu'il y a des choses de prévues, est-ce que pas du tout, est-ce que qu'est-ce que tu aimerais en faire de cette chaîne? Bah, elle est un peu à mon image, c'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps, elle se prend pas la tête et là en général j'essaie de faire un live toutes les 3 semaines à mois à peu près. J'aime bien ce rythme là. Ça me laisse le temps de préparer tranquillement. Alors, et d'en faire 18 autres à côté. Bah, oui, voilà. Il y a aussi ça, hein, faut être honnête. Hein. J'adore. En fait, moi, je préfère être intervenant qu'être hôte. Donc forcément, je privilégierai toujours mes invitations, que ce soit des lives one-shot ou des émissions sur la durée. Je privilégierai toujours ça à mes propres lives, puisque je préfère être en soutien qu'être au centre du truc. C'est vraiment un truc. Bon, après, c'est ma personnalité. Et du coup, à côté de ça, je fais mes petites anthologies, mes petits mementos, voilà, mes petites critiques de films, de jeux vidéo, de séries, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse. Je ne me mets aucune pression, je parle de ce que je veux quand j'ai envie, je ne fais pas de trucs parce qu'il faut que je le fasse ou parce que c'est dans ma catégorie, du coup, il faut que j'en parle. Quand j'estime que d'autres personnes le font mieux que moi ou le font avec beaucoup plus de légitimité sur certains sujets, je préfère ne pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je ne vois pas ce que je peux apporter de plus parfois sur certains sujets. Ben oui. Par exemple, tu vois, quand il y a eu la période The Batman, au début, je voulais faire un live sur ma chaîne pour parler du film, et finalement, je me suis rendu compte que, étant lassé du personnage et étant vraiment ayant un avis très casu, je voyais pas l'intérêt de le faire. Voilà. Et c'est pour ça que je vais préférer ne pas encombrer YouTube, si tant est que ce puisse être le terme, mais je ne voyais pas l'intérêt de faire ça finalement avec le recul. Par contre, il y a des sujets sur lesquels je me sens très très à vif, où j'ai un avis qui est plus incarné pour le coup, et prochainement, là, le prochain live qui est prévu, ce sera un live d'ailleurs très similaire à ce qu'on vient de faire, mais c'est le live sur les 10 ans de collectionneur de comics, où je vais revenir sur mon avis sur le marché actuel, sur le marché passé, sur ce qui m'avait mis le pied à l'étrier, donc ça fera peut-être une espèce d'appendice à ce qu'on vient de faire là. Donc un live auquel, du coup, Deviant Prod, Sofiane et toi-même seront conviés. Parce que je voulais et j'ai pas dit oui. deux briscards, mais enfin, je voulais deux personnes qui lisent des comics depuis un moment, puis je voulais deux personnes que j'avais pas encore fait venir sur ma chaîne aussi, donc et qui de base s'entendent bien aussi, parce que j'aime bien faire venir des gens qui sont déjà parlé ensemble. Sofiane, c'est une crème, une petite crème aux œufs, pour reprendre une expression consacrée d'un très bon ami, et je le kiffe aussi, et c'est pareil, c'est parti de mes coups de cœur de. C'est combien de temps que je connais? Un an. Enfin voilà. Puis il est pointu. Il est encore une fois, il est d'une humilité. Ouais. Et d'une gentillesse. C'est plein de choses. Ouais. Il est calé sur plein de sujets. J'ai l'impression que ce mec ne dort jamais en fait. Il est sur plein de sujets différents. Il est sur Twitter, il est partout. Sur YouTube, il est plus présent que moi actuellement. Et j'arrive pas à tout suivre. Et c'est ça qui me fait chier, ouais. Tu vois, parce que t'as des gens, t'aimerais pouvoir les suivre beaucoup plus, mais à un moment donné. Non, si tu veux. Il interview des auteurs de comics. Enfin, le mec. J'ai même pas eu le temps de la regarder. Mais moi non plus. Elle est dans mes favoris, mais bon, je regarderai peut-être dans le train. Deviant Prod. Deviant Prod. Allez voir sa chaîne. Vraiment, vraiment, vraiment top. Il a fait une petite watch party de Star Wars 8 récemment. Pareil, il a des convictions. C'est ça aussi que j'aime. Des gens qui ont des convictions. En général, je m'entoure de gens qui ont des avis tranchés, parce que j'aime bien mettre en perspective les convictions que moi je peux avoir avec les convictions de ce que les gens comme eux peuvent avoir. Et je trouve que Sofiane le fait très bien, et pareil, il est cool, mais c'est vraiment le genre de personne qui va pas se prendre la tête, Et ouais, je te kiffe aussi, voilà, au passage. Si t'es encore là. Tu vois, la dernière fois, il avait fait un live, il avait fait venir Comics du Prof. Oui, et Old Geek Manson. Ouais. Et j'ai passé une super soirée. Il y avait le truc, c'était vraiment. Alors, c'est, tu vois, c'est pareil. C'est parce qu'on fait des émissions, donc on voit un petit peu, tu vois. T'as l'impression que c'est juste une discussion comme ça entre potes. Mais non. Il est très fin, il relance, il ramène sur. Très bon truc. Très, très bien construit. J'ai passé une putain de bonne soirée. Ouais. Et j'ai eu. Alors, ça, c'est la chance que t'as quand t'as une chaîne YouTube. J'ai eu envie de leur dire. J'ai eu l'impression, en fait, d'avoir passé la soirée avec eux, tu vois. Et de leur dire on fait la revanche à la maison. C'était génial. Franchement, c'était top, quoi. Et ça m'a permis de connaître aussi Comics du Prof, que je connaissais pas. Old Geek. Je pensais être abonné à sa chaîne. J'étais pas abonné à sa chaîne. Je me suis abonné aussi dans la foulée, qui est pareil, super cool. Et voilà. Enfin, on est plein. Et franchement, c'est. Bon. Il y a plus de youtubeurs que de lecteurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est vraiment nombreux à faire des vidéos sur les comics et il n'y a pas suffisamment de lecteurs. Ouais. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose ou est-ce qu'on se claque de bises? On va se claquer de bises et puis je vais te remercier énormément quand même. Mais c'est moi qui te remercie. C'est un super plaisir. Parce que je ne suis pas à l'aise avec ce truc-là d'habitude et tu m'as vraiment mis en confiance et tout. Et c'était très cool. J'espère que ça a été un plaisir aussi pour vous à suivre. Et son podcast, vous y trouverez votre compte aussi. Parce que du coup, forcément, là, c'était un peu plus multimédia que d'habitude pour toi dans tes. Ouais, mais j'aime bien. Mais j'aime bien, tu vois. C'est... Et puis, hein, c'est pas le tout de payer StreamYard tous les mois. Il faut bien l'utiliser, quoi. Évidemment. Et je remercie évidemment chacune des personnes qui a laissé un message et chacune des personnes au-delà de ça que je côtoie. Et que j'aime et ils se reconnaîtront sans grand mal. Et puis toi, je kiffe. Plaisir, ça. Alors lui, il est incroyable. Il faut aller suivre aussi. Mais c'est pareil. J'ai voulu m'abonner à sa chaîne, mais c'est une machine de production. C'est 4 vidéos par jour. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tu vois, va-t'en, Landry. N'écoute pas ce que. Va-t'en. Mais tu vois, il respire la gentillesse. Ça se sent que c'est un mec bien, vraiment. Mais bref, il est authentique. des viandes de prod, il doit avoir des doublures. Peut-être. On va en rester là. Ouais. C'était un merci vrai, beaucoup. Vrai plaisir. Et merci d'avoir fait pas le con. Non. Je veux qu'il le range dans la bibliothèque. Je vais dire non, faut pas. Hein. Ah non, c'est cadeau. Et c'était un vrai plaisir, vraiment de faire cette émission et de le faire en plus dans ce format-là, et un vrai plaisir de t'accueillir à la maison, mais on se le redira en privé. Bien sûr. Et c'est pas encore fini pour nous. Non, il nous reste encore. Encore un petit bout. Je peux conclure encore. Il a commencé à me chauffer là. Bon, il y a ça. C'était l'objet du message dans le livre. Putain, on est pas tout seul à la maison, donc bon, je vous raconte pas l'histoire. Mais je l'ai préparé avec elle, c'est elle, c'est ma femme qui a fait le petit cadeau. Et en même temps, je révisais le truc à côté d'elle, ma femme. Et bah tiens, d'ailleurs, tu vois, un grand, je remercie ta femme, bien sûr. Ouais, un grand, grand merci à... Qui ne regardera pas ce live. Elle ne le regardera pas, mais je lui en ai parlé hier, mais je vais quand même le redire. Pour la symbolique. Et j'ai énormément de chance d'avoir une femme qui me laisse faire ce genre de bêtises, qui me laisse beaucoup de liberté pour pouvoir faire des lives, des émissions. Enfin, c'est une crème. On est extrêmement complémentaires. Et si j'avais pas la chance d'avoir ma chérie, en fait, pour m'épauler comme ça au quotidien, déjà, je pourrais pas faire toutes ces vidéos-là et ma vie serait bien morne et bien triste. Voilà, je l'aime très fort. Merci de nous avoir suivis pour cet après-midi. Vous avez été extrêmement nombreux. Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez pas savoir comme ça fait chaud au cœur et je suis vraiment heureux d'avoir eu Anto avec moi au pied de ma bibliothèque pour une vidéo à la cool. Je suis très heureux de m'avoir eu moi-même. Et voilà. Et alors, je sais pas si ça se reproduira une autre fois, mais il est là aussi, Spider. Attention, je vais te foutre le dos dans l'œil. J'ai eu peur. Dans l'œil. Et voilà. Merci. Je sais pas dire autre merci chose. Merci Léo, merci Flo, merci Tanguy pour les derniers messages et merci à tous. Et on vous dit à très bientôt dans les rubriques de G. À la prochaine pour la prochaine. Bise, salut, à bientôt.